3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. J'entends rien. Hello, hello, hello, hello. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. C'est l'été, ils jouent plus depuis un moment, mais nous, on est toujours là. On a toujours plein de trucs à dire, vous le savez, il se passe des choses. Et puis, on a commencé des petites reviews, et ben on va les finir quand même. On a parlé des coachs, on a parlé des joueurs, on n'a pas parlé du coach, vous l'attendiez. Et ben voilà, c'est l'épisode numéro 3 des Have a Knicks Week, Have a Knicks Summer. L'épisode 60, oui, déjà l'épisode 60 sur la chaîne KNFT. Nous rajeunit pas tout et ça. Encore une fois, ça nous rajeunit pas, on se fait des cheveux blancs. Et encore une fois, je suis accompagné de qui? Bah de Seb, qui m'a accompagné une très grosse partie de la saison. C'est peut-être notre dernier épisode Chart, de... Je suis arrivé, j'ai fait la diff. T'as fait la diff, voilà. Je sais pas si on a fait la même école, je crois pas. Mais en tout cas, on a trouvé un bon petit combo pour cette saison. On remercie aussi tous les gars qui sont passés sur la saison. Willy, on a eu Laurent, on a eu Abdoul. Bref, vous connaissez la team, on a eu Julien aussi. Voilà, mais t'as été titulaire, t'as gagné un petit place de starter. Et on te remercie déjà par avance. Voilà, on commence l'émission par des remerciements. J'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va super bien. En plus, là, les playoffs sont bien. Ça y est, ça a bien commencé là avec cette nuit, la victoire de Miami à Denver qui avait encore jamais perdu de ses playoffs à domicile. Donc là, c'est lancé. Donc, ça non, permet de cool. Relancer la finale et on verra ce que feront. Non, c'est bien. C'est bien. Ouais, vaut mieux ça. Une finale bien haletante plutôt qu'une Denver Lakers en 4 et bisous. Donc non, là c'est chouette. Ah, franchement, c'est bien. On va essayer de pouvoir en profiter jusqu'au bout. En tout cas, on n'est pas là pour parler du Heat, on n'est pas là pour parler des Nuggets, on est là pour parler des Knicks. Et comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à se raconter. Oh là là. Préparez-vous, vous aurez le temps de digérer le programme jusqu'au prochain épisode. On ne sait pas quand il va arriver. Et d'ici là, moi je vais lancer le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé récemment sur la planète Orange and Blue. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la planète Orange and Blue? Bah déjà, qu'est-ce qui s'est passé sur KNFTV? On est sur l'épisode 60, il y a eu un 59 et un 58, voilà, quoi de plus logique, pendant lesquels on a fait la review des joueurs majeurs. Hein. On n'a pas revu l'ensemble de l'effectif 2022-2023, mais on a fait la review des joueurs majeurs de cette saison avec nos petites notes, les A, les B, les C, les D, les ardoises. Aujourd'hui, désolé, il n'y aura pas d'ardoises. On a rangé voilà. Ça, on met ça dans le cartable. Voilà. Ah, toi, tu l'as, moi, je ne l'ai pas. Mais voilà, donc les notes. Je suis toujours prêt, à noter quelqu'un s'il y a besoin. Hop, je te mets un A, je te mets un B, je suis toujours prêt là. Là, je suis toujours. On remercie JC, Jean-Christophe, qui nous a mis des A+, à nous, toi et moi, pour cette saison. Merci, ça fait plaisir. Plus gentil, oui. On aurait pu mettre des notes aussi aux gens qui nous mettent des commentaires. Mais c'est toujours un plaisir de vous lire, en tout cas, sur les commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez passé une bonne saison avec KNFTV, avec Avenue. La communauté est A+, de toute façon. Oh bah toujours, les Knicks fans, on n'est pas forcément tout le temps d'accord, mais l'important c'est de vivre et de partager ses émotions, ses observations, tout ça. C'est ça qui rend l'exercice intéressant et la fanbase intéressante et l'association intéressante. Donc voilà, en tout cas, les petites notes, vous les avez là, bref, vous les avez à côté, vous pouvez toujours réagir dessus. Si vous comprenez pas pourquoi on a mis telle ou telle note, bah, y a l'épisode 58 et l'épisode 59 où on parle de ça en long, en large, en travers. On aurait pu revoir des notes, mais voilà. En tout cas, les notes ont été données. C'est les notes. Ça vaut ce que ça vaut. Oui. On verra pour la saison prochaine si on refait l'exercice. En tout cas, nous, on a pris un petit plaisir sympa à voir tout ça. Allez, donc qu'est-ce qui nous attend sur le programme de cette émission numéro 60 ? C'est l'été, voilà, il y a un peu plus de légèreté maintenant dans l'air. On a vu notre ami Jalen Brunson se déplacer du côté de Rucker Park. Bah oui, c'est l'été, donc on joue en extérieur. Et puis à New York, vous le savez, il y a un tas de playgrounds. Et puis on a vu aussi notre ami Josh Hart, que sorti sur les réseaux. Lui, c'est vraiment un client, il est vraiment sympa. Et bah voilà, il nous a fait une petite sortie suite à Ouais. sa double parentalité. Parce Sur le lait parentalité maternel, est-ce que sur le quelqu'un lait l'a déjà maternel, goûté? ça a quel goût? Alors moi, perso, j'ai jamais goûté. Toi, J'ai jamais je sais goûté. pas. Voilà, donc si en commentaire, vous savez nous dire ce que ça a comme goût. Dis-moi, il a Amande, dit quoi? chèvre, je ne sais pas. Il a dit, enfin, il a goûté, je crois qu'il a dit que ça avait un goût de noisette, ou je sais pas, il a dit un truc, mais. Bon. En tout cas, voilà, il nous a Et bien fait sinon, pour revenir rigoler. à Jalen Brunson, le type va se faire un petit. Va se faire un petit parc avec John Starks. C'est tranquillou, quoi. Tu vois, Tranquillou à Rocker Park. Ah, c'était voilà, il a avec appelé. le syndicat des joueurs. Attention, hein, Oui, il oui. va. C'était une obligation syndicale, a priori. Ouah, Mais il y a été avec plaisir. Et voilà des joueurs il qui est allé passent faire bien. un petit horse avec John Starks, c'est sympa. Ouais. Très, très sympa. Voilà, Jalen Brunson, hein, il est vraiment comme un poisson dans l'eau à New York, ça, on n'en Oui. avait pas de doute. Et c'était un plaisir de l'en voir justement cet été sur les playgrounds de Big Apple. Et on va reparler un petit peu de son été parce qu'il va avoir un été assez chargé. Mais là, c'était juste les petites sorties médias. Au rayon des nouvelles sur nos joueurs, nos Knickerbockers, nos joueurs de cœur, eh bien, on a une moins bonne nouvelle. Ça concerne Julius Randle. Alors, Julius Randle, on sait, ça a été une fin de saison compliquée, des playoffs compliqués. Vous avez vu les notes qu'on a mis, vous avez vu les matchs. Il a été décrié sur son attitude, sur son jeu, sur sa productivité. Bah, on a appris qu'effectivement, il était passé sur le billard. Il s'est fait opérer de la cheville droite-gauche, je ne sais plus. Il s'était fait les chevilles en fin de saison régulière. Il s'est refait la cheville sur la série de playoffs face aux Cavs. Mais il a quand même disputé quoi, 9 matchs des 11 sur ses Ah oui, playoffs. il est. Donc voilà, faut relativiser aussi. Du coup, ça permet peut-être de relativiser un peu sa contre-performance sur ses playoffs. Il était diminué, on le savait. Bah, s'il s'est fait opérer, c'était pas juste une entorse bénigne. Voilà, donc a Ouais, non, priori, il il est devrait blessé. être de retour. Tour pourquoi pour le training camp, voilà, donc ça Bah, va c'est ce que le permettre Woj dit, ouais. Le Woj a dit que ça ne l'empêcherait pas d'être là pour le training camp. Après, le training camp, c'est début octobre, fin septembre, début septembre, fin octobre. septembre, début octobre, ouais, Donc, donc bon, voilà. ça va, il laisse le temps. Doucement, c'est un beau bébé, hein, c'est un gros gaillard quand même, Julius Randle. Donc effectivement, s'il peut revenir avec une cheville en état. On sait qu'il a joué beaucoup de matchs, on sait qu'il a joué beaucoup de minutes, on sait qu'il a un coach qui le fait jouer beaucoup. Oui. Voilà, espérons que ça ne soit pas le début des soucis à répétition, comme ça a pu être le cas sur d'autres joueurs par le passé dans la ligue. Voilà, on souhaite en tout cas un bon rétablissement à Julius Randle et le pouvoir le retrouver dans la ligue. Où ça, je ne sais pas, mais dans la ligue, en bonne forme en tout cas. On ne souhaite jamais aux joueurs de se blesser. Ah non. Un joueur qu'on va retrouver cet été, voilà, c'est la news qui est tombée cette nuit, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est Jalen Brunson. Jalen Brunson, on va le retrouver cet été, avant la reprise de la saison régulière, parce qu'on va le retrouver avec l'équipe de Team USA. Oui, Jalen Brunson, il va faire partie du groupe de 12 joueurs. Alors, est-ce que tous vont être retenus? Est-ce qu'il va y avoir des ajustements en fonction de leur training camp? À voir, mais il rejoint un groupe avec Tyrese Haliburton, Mikal Bridges, Bobby Portis, Anthony Edwards, Austin Reaves aussi, la surprise, le joueur surprise des Los Bon Angeles petit Lakers. petit gars lui. Ouais. Voilà, donc on a un début d'équipe. Alors moi j'ai pas le groupe exact de 12, j'ai vu des montages Photoshop avec Je sais, les joueurs les du noms Heat. sortent au compte-gouttes, hein. Donc Ouais. Donc à voir, mais en tout cas c'est un signe de reconnaissance d'un joueur qui commence à compter, qui commence à prouver des choses, qui a montré de belles choses en saison régulière, ça on le sait, qui avait montré de belles choses également avec Team USA dans les sélections U18 et U19. Il avait été MVP, alors je sais plus si c'est en U18 ou en U19, U19, il y U19. a plusieurs années, donc c'est un joueur qui voilà aime ce genre de rassemblement. Ça va être sympa de pouvoir le retrouver, Ouais. enfin on l'espère du moins, même si. Est-ce qu'il aurait mieux pas été plus sage de se reposer un peu aussi, un peu plus sur l'été? Je sais pas. Toi, ton avis, Oh. c'est toujours bon à prendre ces sélections, même sur des joueurs qui font des longues saisons? Ouais, je pense que déjà d'une... Je pense que pour le mec, comme tu parles, un effet de reconnaissance, tout ça. Ensuite, bon, la Coupe du Monde est en septembre. La Coupe du Monde est en septembre. Ça va lui Le temps laisser de se reposer aussi, c'est sûr. le temps de se reposer, de se remettre en forme. Après, il faut voir, hein, parce qu'il y a quand même à son poste aussi Tyrese Haliburton. Donc là, il va pas avoir les mêmes minutes que sous Thibodeau, hein, ça va. Ouais, ça va permettre d'équilibrer un petit temps de jeu aussi, on va pas être sur du 48 Voilà, minutes par donc match. ça fera voilà, une sorte de, Ouais. finalement, de De Summer League, quoi, pré-training camp. de Summer League, un petit peu, tu vois, plus, avec, pour le coup, bah, une vraie, des vrais enjeux, des vrais matchs à opposition. Donc, non, je pense que c'est pas là. Et puis, c'est toujours bien qu'il puisse jouer avec son petit copain amical, ils pourront discuter, Pour sans parler de compter l'avenir ou autre. la petite expérience qu'ils ont chacun à New York, chacun du côté du pont. Et s'ils préféreraient pas traverser le pont, enfin, je dis ça. Voilà, c'est toujours sympa de se retrouver entre copains, Non, mais effectivement je dis que l'été. c'est bien. Je dis que c'est bien. Je dis que c'est. Ça Je pense pas qu'il soit fait de titulaire. l'expérience. Je pense pas qu'il soit titulaire. Je pense que ça va être Haliburton qui sortira du banc. Mais cependant, je voudrais pas être le joueur qui va se taper en sortie de banc Jalen Brunson. Parce que là, hein, Ah. ça va faire mal aux chevilles. Attention, attention, on va voir ce qu'il va donner dans ce circuit FIBA. En tout cas, voilà, il a déjà un peu d'expérience avec Ouais, son carrément. expérience jeune. Voilà, c'est l'expérience à prendre. Et espérons juste que voilà, il revienne pas blessé, ça c'est certain. Et voilà, Non. qui démarre sa préparation. Mais ça va être des matchs en jeu. Alors, c'est une Coupe du Monde. C'est voilà, il y a je sais plus combien d'équipes de comment dire de qualifiés. Mais voilà, ça va être une compétition intéressante. Ça va nous donner une raison de plus de suivre cette Coupe du Monde. Même si on Ouais. va suivre forcément l'équipe de France, on va avoir un œil sur l'équipe du Canada avec Yanji Barrett. Est-ce qu'il va être sélectionné? Parce que là, pour l'instant, on n'a pas de A nouvelles. priori, il est dans le groupe. Hein. Il y était Dans le groupe. sur les éliminatoires la Eux, ils dernière peuvent avoir fois. une belle équipe aussi, hein. Et voilà, donc ça va nous donner différentes raisons de suivre ça, de suivre le basket cet été, avant la reprise de la NBA. Et donc voilà, c'était la petite news. JB, direction l'or, Non, c'est champion du chouette. monde. Peut-être, peut-être. Bon, C'est bien. sinon, il s'est passé des choses aussi en coulisses, au niveau du front office. Et je sais que Grosse ton news grand là. ami Scott Perry, voilà, ça t'a déchiré le cœur de savoir, d'apprendre qu'il allait quitter les Knicks, il n'allait pas être reconduit. Alors c'est une histoire de contrat qui se terminait. Scott Perry, il arrivait en quoi? En 2017, 2018, je sais même plus. En tout cas, c'était avant l'arrivée de Léon Rose. Il a fait la transition de la présidence de Steve De Mills. Phil Jackson avec Phil Jack, Steve Mills, Steve voilà, Mills. il y a eu cette transition-là. C'était une décision pas tellement surprenante parce qu'on avait l'impression qu'il y avait quand même un rôle qui était diminué, plus en retrait. Que Léon Rose, même s'il n'est pas un très grand homme de médias, ça clairement, on le voit peu présent dans les médias. Ouais, non, Alors Steve rien. Mills, on le voyait encore moins. Il est Et toujours Scott Perry, délicat encore moins. dans une organisation, dans un front office, de juger le rôle d'un GM, d'un président, suivant les franchises. C'est des fois plus les GM qui sont mis en avant, d'autres des fois c'est plus les présidents, d'autres des fois c'est des casquettes un petit Ils ont eu peu. un rôle, disons que le duo Perry-Mills a eu un rôle de remettre à flot le bateau Knicks, quoi, qui était en train de couler sous la présidence de Phil Jackson. Phil Jackson a fait énormément de mal. Enfin, pour moi, les deux administrations qui ont fait énormément de mal aux Knicks, ça a été celle d'Isaiah Thomas et celle de Phil Jackson. Ça, je l'avais écrit dans un Il y papier a qui. peut-être celle de Scott Layden, il y a plusieurs années, encore avant, avec la transition Patrick Ewing qui était vraiment pas terrible. Mais effectivement, Moi, je ceux-là, trouve ils que ces deux ont. périodes-là, c'est entre les contrats dégueulasses qui sont donnés, les signatures d'agents libres, enfin, les trades qui sont montés, c'est Oublions, horrible. oublions. Ça va partir en Donc, passé, oublions tout ça. Perry et Mills ont eu cette mission d'assainir les finances, d'essayer donc de dégager les contrats douteux ou alors les contrats compliqués, parce que c'est eux qui ont tradé, c'est eux qui ont procédé au trade de Carmelo Anthony. Porzingis et Voilà. de Kristaps Ensuite, Porzingis aussi, voilà. ils ont fait Porzingis. Donc non. Ensuite, d'ailleurs, Mills s'en va et c'est Leon Rose qui arrive. Moi, pour moi, je pensais que Leon Rose, vu que c'était le nouveau patron, allait installer ses mecs en place. Et finalement, il avait gardé Scott Perry. Moi, j'étais assez surpris là-dessus. Bon, après, on s'est aperçu rapidement que Scott Perry était peut-être Une plus un sorte de homme de paille transition quand même, ouais. qu'autre chose, hein. C'est-à-dire que bah, il était là, il prenait son chèque, il faisait ses tweets le lundi, et puis merci. Les D'ailleurs, minutes j'ai été. philosophiques du lundi, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai été très très surpris, et c'est ça en fait qui m'a laissé pensait que, en effet, c'était fini pour lui. Enfin, je comprenais maintenant pourquoi c'était fini pour lui. C'est quand j'ai vu l'info passer que le trade de l'été dernier, le gros trade qu'on essaie de monter donc sur Donovan Mitchell, Donovan Mitchell. était en fait géré par Gerson Rosas, qui lui en fait Et est juste arrivé en un mode conseiller. consultant au début, hein, C'est un conseiller, conseiller, ouais. c'est un consultant, voilà. Et c'était lui, donc c'est même pas ton GM. C'est ce gars-là qui était en charge des négociations avec la partie adverse. Voilà, t'as compris que en fait Scott Perry On comptait plus vraiment sur lui, était là quoi. mais était Ouais. pas là, voilà. Il a Donc été au bout de son contrat et il y avait plus de conseillers il faut quand même saluer que GM. son bon travail parce que on a fait des bons moves avec eux, comme tu dis, hein, Porzingis, on a récupéré comme il fallait. Marcus Morris, c'est beau, parce que tu le récupères à la free agency, tu le trades contre un tour de draft, un premier tour de Ouais, draft, et tu après coup, récupères ça se transforme en Quickly. Quickley, quoi. Donc Effectivement, après coup, ça sent le bon coup. Il y a eu après des assets d'accumuler des pics de draft. Il y a eu aussi des drafts comme Kevin Knox. Kevin Knox. Bon, Oui, parce voilà, que Frank, c'est pas eux. on ferait pas ce choix-là. Frank, c'est Phil Jackson. Frank, Franck, c'est on peut pas le eux. mettre sur le dos de Phil Jackson, ouais. Mais Kevin Knox, bon. Mais après, ceci dit, sur le marché, enfin, sur les drafts en dessous, fin de premier tour ou second tour, ils ont été excellents. Aller te Plutôt bien chercher un parti, ouais. Mitchell Robinson. Tu vois, derrière, aller te chercher un Quickly, aller te chercher un Grimes. Donc, ils ont eu vraiment Après, sur qu'est-ce cet qu'il y a à aspect-là. mettre au crédit de Léon Rose? Qu'est-ce qu'il y a à mettre au crédit de Scott Ça, c'est vrai que ça, on ne va Perry? pas trop le Bon, savoir. voilà, on a du mal. On va Mais, dire l'administration Knicks, le front office, voilà, le bilan est le pas si travail, mauvais. non, Il est pas ça n'a si pas été mauvais, le au pire des contraire. GM, loin de là. Le Leur travail meilleur. n'a pas été facile à gérer. Mais parce que bon, tu récupérais clairement, tu te rappelles quoi, hein, c'était horrible hein, cette période-là. Hein, les périodes de Phil Jackson, c'était. Ils ont assuré une transition et voilà, il n'a pas plombé le budget avec des Ah non! moves. Voilà, en termes de draft, on a plutôt accumulé des assets. Donc voilà, on a permis de remettre une situation assainie au niveau des Knicks, ce qui aujourd'hui permet d'avoir la situation sportive qu'on connaît et de se projeter un petit peu. Et Donc maintenant, merci à lui, bon courage, on verra qui va le où est-ce qu'il va remplacer? partir, Est-ce que c'est qui va le Rosas qui remplacer. va récupérer le poste officiellement? Il y a un nom qui est tombé Est-ce aussi que cette c'est... semaine. Alors ça, c'est pas du côté de la côte est, et plutôt de la côte ouest. Bob Myers, je sais pas comment on dit, Bob Myers. le grand Moi j'ai lu architecte des que... Golden State Warriors. Mais bon, Moi j'ai non, on lu va se que ça avait calmer tout de rien à suite, voir. hein. Hein. Moi j'ai lu que justement, parce que c'est tombé quasiment en 24 heures les deux infos, d'ailleurs Bob Myers c'est ensuite Scott Perry, et pas mal d'insiders disaient que ça n'avait absolument rien à voir l'un avec Non. l'autre. Moi je vois pas Bob Myers signer aux Knicks, et En tant que GM, en tant que GM en plus, surtout qu'en plus il sort dans les médias en disant voilà c'est un truc à temps plein, et là clairement, enfin moi je me sentais plus de le faire, donc je le vois pas arriver dans le contexte Knicks, et de se dire avec Leon Rose, qui est je pense quand même quelqu'un d'assez omniprésent Ah, dans c'est le président. l'administration. C'est le président, Oui, donc c'est oui, il non a mais pas vocation non mais tu bien à sûr tu laisser peux sa avoir des place. non mais tu peux avoir des présidents qui eux délèguent en disant ouais, écoute le GM fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça, et puis chacun son rôle. Moi j'ai l'impression quand même que Leon Rose c'est quand même un mec qui aime bien mettre son nez un peu partout, qui aime bien mettre un petit peu tu vois son grain de sel, qui aime bien un petit peu gérer les affaires, et derrière les types qui sont sous lui tu vois peut-être un peu saoulés en disant ouais attends c'est Léon c'est mon boulot ça, oui enfin, je te montre tu vois, donc voilà, moi je pense que c'est après qui donc va récupérer ce poste. Moi je te dis Rosas, je vois pas Alan Houston, même si c'était l'assistant GM, je le vois lui rester justement comme ça, je le vois pas endosser ce rôle qui me semble quand même être pour quelqu'un qui doit avoir du réseau, qui doit avoir, je vois pas Houston avoir ce réseau-là. Est-ce qu'ils vont nous Donc sortir quelqu'un? Rosas ou quelqu'un d'autre, Moi je il y avait aussi vois, moi je vois la solution. Walt, je sais plus, c'est pas Walt Perry? Il n'y a pas un autre Perry? Ah, j'ai perdu le nom, Ou après, avec les petites lunettes grisonnantes, qui est déjà dans l'organisation, donc à voir. Est-ce que c'est une solution interne? Est-ce que c'est Léon qui fait. Wesley, parce que ça va être Wesley. Ouais, ça, c'est des personnes qui ont un réseau d'influence, mais aussi se mettre en tant que GM, c'est exposé. C'est exposé aussi à des risques de ne pas réussir. Moi, je pense que ça va se jouer en interne entre William Wesley et Gerson Rosas. Moi, pour moi, je pense que ça va se jouer entre ces deux mecs pour avoir le À poste de voir, Perry. à voir. En tout cas, on verra ce qui se Parce qu'en trame même dans temps, Wesley, l'organisation, dans l'organigramme. il est de tous les voyages, il est de tous les scouting reports, il est de tous les trucs. Hein. Et là, il est. On le verra. Le William Wesley, pour ceux qui ne connaissent pas, le fameux grand influenceur, voilà, influenceur dans la NBA, qui était justement à Malice at the Palace. C'était lui qui retenait Rob Artest sur la baston, quoi. Donc, c'est dire s'il est, il a une proximité par rapport aux joueurs. Bon, voilà, ça c'était le front office. Et aujourd'hui, bah voilà, on vous avait dit qu'on allait faire un épisode où on allait parler de Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, c'est l'extension du front office, l'extension sur le parquet, sur le banc. C'est lui qui dirige l'homme l'équipe. De Léon Rose. C'est l'homme de Léon Rose parce qu'effectivement, c'est le seul coach qui a été nommé par Léon Rose jusqu'à présent. On va revenir un petit peu sur sa saison. Alors voilà, on a des montages photos plus ou moins réussis où on voit Léon Rose, Tom Thibodeau avec détresse. Voilà, enfin, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on a pensé de la saison de Léon Rose, la saison de Tom Thibodeau, le lapsus. Tom Thibodeau, il a vécu une saison assez particulière. Il fut un temps, au tout début de saison, il était dans les rumeurs d'être un des premiers coachs à être viré. Ouais. Finalement, non, c'est Steve Nash, de l'autre côté du pont, comme quoi, qui a fait ses valises le premier. Et il a tenu la barre dans la tempête, dans la marée, notre ami Tom Thibodeau. Alors clairement, c'est pas un coach qui fait l'unanimité. Il a jamais fait l'unanimité dans la ligue, il a jamais fait l'unanimité dans la fanbase, il a jamais fait l'unanimité dans la saison, dans son parcours. Beaucoup auraient préféré voir un coach jeune avec des idées. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un coach jeune avec des idées en NBA. À un moment, tu diriges, tu coaches les joueurs que tu as dans ton roster, que ton front office te met à disposition et t'essayes d'en tirer le maximum. Est-ce que cette saison, Tom Thibodeau a tiré le maximum de son effectif ? Moi, j'ai quand même un peu l'impression, c'est mon avis personnel. Oui, il s'est privé de certains joueurs. On pense à Evan Fournier, forcément, le premier. On pense aussi à Derrick Rose. On va penser à Cam Reddish ensuite. Il a fait des choix qui étaient couillus, compliqués. Il les a assumés. Finalement, ça a payé parce que. Il a toujours assumé ses choix. C'était l'année dernière quand il décide. Quand il a benché Kemba Walker. Ça, c'est des choses qui ne le dérangent pas. Hein. C'est un coach qui est dans une mentalité qui est un peu caricaturale par rapport à l'analyse qu'on en fait en disant c'est un coach qui veut gagner. Et puis voilà, c'est pas, le temps de développer, de penser au futur, c'est plutôt l'instant présent, faut gagner. En même temps, c'est un peu ce qu'on attend d'un coach d'une équipe, c'est de gagner maintenant, pas de gagner dans 5-6 ans. Dans 5-6 ans, les joueurs, j'exagère, mais voilà, dans 2-3 saisons, les joueurs ne seront pas les mêmes. Et en même temps, on peut aussi lui mettre au crédit de donner des responsabilités à des joueurs comme Quentin Grimes, comme Emmanuel Quickley, qui sont des joueurs jeunes, qui ont beaucoup de temps de jeu, peut-être trop de temps de jeu parfois. Qui sont parfois aussi sanctionnés. On pense à Obi Toppin qui va être mis sur la touche assez vite quand il va y avoir une petite erreur là où il va laisser des passes droits à Julius Randle. Donc on a un coach qui a du caractère, qui a une vision dans son jeu, qui est clairement pas un coach offensif. Hein. C'est plutôt pour les aspects défensifs qu'on l'attend. Et même là, parfois, des fois, on peut se demander un petit peu ce qu'il bricole. Mais au final, moi, dans ma perception, c'est qu'il a plutôt réussi sa saison. Il a sauvé ses fesses, clairement, là où c'était mal embarqué en début de saison. Au final, si les Knicks surperforment, s'ils ont dépassé les attentes, c'est à mettre aussi au crédit de Tom Thibodeau. Donc, on savait que c'était une saison charnière après la saison où il a fait un pas en arrière, un recul, clairement. Il jouait beaucoup de choses cette saison et finalement, il a sauvé sa tête. Et puis avec les playoffs, un coach qui t'amène en playoffs deux fois en trois saisons, c'est pas si mal que ça. Non. Avec un effectif qui a évolué, certes, mais qui n'est pas non plus doté de plein de All-Stars. Il n'y avait pas d'ambition d'aller très loin en playoffs cette saison. On ne projetait pas une finale de conf, on ne projetait pas le titre comme d'autres coachs ailleurs dans cette ligue. Donc Tom Thibodeau, on n'a pas mis de notes, on n'a pas sorti l'ardoise, non. Mais il s'en sort quand même avec la tête haute, je pense, sur cette saison. BMC, il a toujours ses détracteurs dans la fanbase, il a toujours ses détracteurs dans la ligue. Faut regarder les résultats et honnêtement, il s'en sort plutôt bien. Il n'est pas coach de l'année, il a eu quelques votes, mais c'est un bel exercice tout de même au final pour Tom Thibodeau et des playoffs où il a été outcoaché par un Eric Spoelstra. C'est pas si honteux que ça parce que c'est quand même un des meilleurs coachs de la ligue, Eric Spoelstra. Comme beaucoup. Donc voilà, moi, mon appréciation en, je sais pas, 2-3 minutes, 5 minutes, je sais pas combien de temps j'ai parlé sur ta petite vidéo. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé en complément, ou qu'est-ce que tu veux rajouter ou Bah, modifier Tom par rapport à ce que Thibodeau, j'aurais pu ouais, dire? disons que sur les 20 premiers matchs, Ok. t'es à 9-11 au niveau du bilan, le jeu est pas top, l'équipe défend pas, on se rappelle tous ce match là ici, là assez honteux, c'était contre OKC, Oklahoma City, Dallas, ouais. okay, où tu mènes bien, tu t'effondres, machin. Derrière les joueurs qui décident, on part en road trip, les joueurs qui décident de Manger discuter, ensemble. de faire leur repas, tout ça. Et puis en fait, finalement, après, ça se fait de façon un peu naturelle. Et sans surprise, en fait, puisque l'éviction de Evan Fournier et de Derrick Rose, ça ne nous avait pas surpris parce que c'était même quelque chose que nous, on en avait parlé, hein, même en vidéo. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un équilibre dans tout ça avec l'arrivée de Jalen Brunson, qui était un formidable attaquant, un défenseur peut-être plus laborieux. Et donc il fallait trouver un équilibre en lui mettant à ses côtés quelqu'un qui allait amener justement cette rigueur défensive. Et ce n'était pas Evan qui l'amenait. Et donc avec Grimes, ben forcément, ce duo s'est formé. Et même après d'ailleurs avec Quickly, qui a bien step up. Mais ces mecs-là, s'ils ont levé leur niveau de jeu de ce côté-là, c'est parce que, ben, à un moment donné, c'était des jeunes qui ont écouté le coach, qui ont écouté ce que ce gars-là avait à leur dire. Et à partir du moment où ce moment-là où il a fait ses ajustements, on avait enchaîné là sur une série de 8 victoires consécutives. Donc là déjà, bol Ça a d'air. redonné le moral à tout le monde, il a ressoufflé un peu, hein, et la peau Voilà, est plongée. mais disons que ça a été un peu bizarre cette saison, c'est-à-dire que on te faisait une série de 5 victoires, on faisait une série de 4 défaites, puis de 6, puis de 3. En fait, comme j'ai vu la vidéo de Knicks Fan TV où CP avait reçu une personne Un invité, un qui invité. enfin, non mais il est connu sur le monde de Twitter et souvent en fait il décrypte l'actu Knicks. Et il disait une phrase juste, il disait on a été inconstant dans la régularité quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé C'était une vraiment saison avec des hauts et des bas. Ouais. sinusoïdal complètement. C'est-à-dire que tu vois là ici je le cadrais sous les yeux, tu fais 8 victoires, ensuite 5 défaites, ensuite 4 victoires, bon, une défaite, 3 victoires, 4 défaites. Enfin, Ouais, voilà. en même temps avec l'effectif qu'on avait à disposition, est-ce qu'on avait moyen d'enchaîner les Non victoires ou de mais se en même stabiliser? temps, à la fin, tu finis quand même avec un joli bilan. On n'est pas très loin Cinquième, des 50 cinquième de victoires. la régulière quand même. On n'est pas très loin des 50 victoires. Ça se joue à rien parce que on a eu des matchs rageants cette saison. On n'a Ouais. quasiment pas pris de blowout. On a eu beaucoup de matchs qui se sont finis sur les dernières possessions, sur le dernier rebond. On a eu beaucoup de matchs qui auraient pu Qui se tourner en joue à pas faveur grand-chose. et Ouais. qui n'ont pas. Voilà, les dieux du basket n'ont pas souhaité nous sourire. Non, saison réussie pour Thibodeau. Voilà, ce qu'on peut lui reprocher peut-être, c'est en effet son manque d'inventivité offensive. C'est-à-dire que ben, ça va être oh, jouer dur. Voilà, bon, Et s'en on verra. remettre à Randle, s'en remettre à Brunson, C'est et pas ça, avoir à forcément des des hommes systèmes où providentiels. on a un ballon qui va tourner et on va pouvoir Exactement. profiter de la variété de menaces offensives. Donc effectivement, là-dessus, on a un jeu qui est stéréotypé en attaque. On a beaucoup un jeu en isolation. On a des joueurs qui savent le faire, donc tant mieux. L'isolation, c'est pas sale non plus. Voilà, en NBA, partout dans la ligue, sur les joueurs forts, il y a des séquences d'isolation. Mais c'est un jeu qui est peut-être manque de fluidité aussi avec les joueurs. Il n'y a pas beaucoup de partage de ballon. Déjà, ça, c'était des critiques qu'on pouvait avoir les saisons précédentes, où on n'avait pas un gros volume de passes par match, au global, collectivement, parce que effectivement, bah, on a des joueurs qui sont un peu en mode trou noir, Randle, Barrett, mais aussi Brunson, hein, parfois, où ça va garder le ballon longtemps, Quickly. ça va dribbler, Quickley aussi. Donc voilà, on n'a pas un Spurs basketball où le ballon il part dans tous les sens, ça bouge, on ne sait pas qui va être la menace Non mais tu regardes offensive. les finales NBA Ça là, j'aime tu pas regardes les trop. finales, le ballon bouge, le ballon circule, on cherche la C'est bonne pas les mêmes solution. collectifs, c'est pas les mêmes Mais durées de vie non plus de ces effectifs, de cette expérience ouais, mais c'est pas ce collective. jeu-là que de toute façon Thibodeau va te proposer. Moi, pour moi, Non, si tu c'est veux, pas. ce que j'avais dit lors de la notation de Randle, c'est-à-dire Peut-être que Randle, c'est un homme qui va te. Tu vas avoir besoin dans tes premières années de reconstruction, de reposer des bases d'une franchise, d'être souvent invité en playoff. Mais peut-être que pour voir au-delà, il faut se séparer de lui pour partir sur un nouveau projet. Ben, je me demande en fait si On Thibodeau, peut c'est pas à peu près la même chose. C'est C'est-à-dire ça, on peut se poser la question vis-à-vis un du coach coach. que tu vas faire venir, que tu vas. Donc lui, il va te remettre l'église au centre du village. Il va remettre des fondamentaux, que ce soit défensif, que ce soit dans la rigueur du travail, que ce soit dans la rigueur de l'effort. Mais peut-être qu'ensuite, il faut un coach différent, avec des idées en tout cas différentes et plus dans l'air du temps, pour te faire passer un cap et si tu as envie de voir au-delà d'une demi-finale de conférence. Moi, je suis partagé. Thibodeau, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je ne l'ai jamais défoncé sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Cependant, je me dis que peut-être, c'est peut-être un aspect de la future évolution de la franchise, si tu dois en fait changer quelque chose qui n'est peut-être pas forcément à négliger. C'est quelqu'un qui, et on sait, un bourreau de travail, mais peut-être que pour aller voir au-delà, il faut partir sur un projet différent Avec un avec un autre coach coach. différent. Ouais. Mais alors attention, changer de coach, c'est pas neutre, c'est pas Exactement, bien évident. sûr. Alors là, justement, on a toute la valse des coachs qui s'est Ah ouais. passée cet été, Il n'y en a qui a plus sur le commencé. marché. Il y a eu du Monty Williams, il y a eu du Ime Udoka qui a retrouvé un poste, il y a Doc Rivers qui a bougé, Nick Nurse. Voilà, ça commence. Frank Vogel qui revient aussi aux Suns. Il y a tout un tas de coachs qui sont déjà en train de bouger. Non, mais il bougera Côté pas, moi je Knicks, pense. Il partira pas, hein. non. Voilà, Mike Budenholzer également. Mais aussi, c'était des coachs qui avaient peut-être une meilleure réputation, que sais-je. Quoique Nick Nurse, c'était un peu le Thibodeau de Toronto. Hein. En termes d'utilisation des joueurs, ça allait Et Doc aussi. Rivers, il a pas une méga répute, hein, au sein des Il fanbases surfe sur son titre de coach of de the son year de titre Orlando et puis le titre de de Boston Boston. avec Tom Thibodeau dans le coaching staff. Donc voilà, donc c'était aussi des équipes qui avaient un fort niveau d'attente. Ça visait le titre, ça visait des finales de conf ou des finales NBA. Des objectifs qui n'ont pas été atteints et donc du coup un changement d'air, un changement de cycle. Et puis on a un peu l'impression que c'est le jeu des chaises musicales où voilà, il y en a qui passent d'une équipe à l'autre. Pour l'instant à New York, ça n'a pas l'air d'avoir de rumeurs ou quoi que ce soit. On l'a dit finalement, Tom Thibodeau, il a dépassé les objectifs ou il a atteint les objectifs. Pourquoi est-ce que Léon Rose irait s'en séparer maintenant? Non, de la régularité, c'est pas normal, hein. C'est risqué de s'en séparer maintenant parce que ça veut dire qu'il faut que tu mettes un coach qui fasse tout de suite mieux que Ah ce ben, qu'a de fait Thibodeau. toute façon, c'est des Donc. moves très risqués, hein. Que tu fasses un trade ou que tu cherches un nouveau coach, évident que tu prends un risque dans ta stratégie de développement, hein. C'est évident. Mais ce sont des choix. À un moment donné, ce Ce sont sont des des choix caps qui à sont à passer, faire, quoi. mais la question est la question du timing, de la timeline. Est-ce que là, à l'issue de cette saison, à l'issue de ces playoffs, avec un effectif voilà, qui est valorisé. On n'était pas très loin d'arracher un match 7 face au Heat. Il y a eu des joueurs qui étaient blessés, il y a des joueurs qui sont passés à côté de leur playoff. Ça, on en a parlé sur les deux précédents épisodes. Est-ce que Tom Thibodeau, on peut dire, ah non, effectivement, on peut pas te reconduire une saison de plus pour voir si tu peux essayer de nous réemmener à cet endroit-là, voire aller plus loin, voire te donner un meilleur effectif. Voilà, Après, je est-ce que pense que Tom Thibodeau, la c'est un timeline, homme. elle n'est pas encore arrivée pour tourner la page Thibodeau. Après, est-ce que Moi, Tom je Thibodeau, verrai. c'est un homme qui te reste, enfin, que tu vas laisser 10 ans à la tête d'une franchise avec son mode de fonctionnement, c'est-à-dire à faire jouer des 38-40 minutes par match à certains mecs, à machin, enfin, tu vois, c'est C'est un peu. un basket qui demande beaucoup d'énergie, d'engagement et qui use les joueurs. Donc attention au fameux ça va blesser, les joueurs vont se casser. Il y a le précédent d'Eric Rose, même si pour moi c'est quelque chose à considérer différemment. On a des joueurs jeunes, il fait jouer les joueurs jeunes. Effectivement, il s'est mis à dos des joueurs ou il a mis au placard des joueurs et c'est gênant, mais visiblement le front office doit donner son aval là-dessus. Tom Thibodeau était sur la sellette déjà la saison dernière. Là, il avait à remontrer, à reprouver. Et finalement, bah, tout lui donne raison pour l'instant. Donc moi, je vois bien que Léon Rose va encore poursuivre au moins une saison avec Tom Oui, Thibodeau. non, Si les oui. résultats sont au rendez-vous, si on fait finale de conférence, ça va être compliqué de le faire partir, on va dire, alors qu'il emmène l'équipe au top. Donc voilà, par contre, la saison prochaine, les objectifs vont être revus à la hausse. aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de coach sur le marché qui fait dire, allez, au revoir, merci pour tout homme, et on va prendre un coach référencé qui va nous emmener à cette finale de conf, voire finale NBA. Voilà, il y a déjà un paquet de noms qui ne sont plus disponibles en quelques semaines, en quelques mois. Oui, et puis je pense que Budenholzer, je pense que lui, par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie privée, je le vois bien prendre une année sabbatique pour on sait pas souffler. Ça, donc, ça... Pour moi, il est plus sur le marché. Donc en gros, il restera Doc Rivers sur le marché. Et Doc Rivers commence à vraiment à se faire vieux maintenant. Et il a eu des gros effectifs, il a rien fait avec. Donc, c'est pas qu'une question d'âge, hein, parce que je connais un coach du côté des Texans, du côté de Fort Alamo, qui est le plus ancien et qui est là. C'est pas qu'une question d'âge, mais... Oui, mais Popovich, il a pas, il a pas le... Il a pas le pédigré de Doc Rivers, sans vouloir tout à fait. Tout à fait. On parle d'une légende qui est installée, qui est un peu indéboulonnable à San Antonio. Mais voilà, c'est pas qu'une question d'âge. C'est une question de c'est qui le dans coach le jeu, qui t'emmène pas grand chose dans le jeu, dans les choix tactiques. Doc Rivers, c'est un peu limité. Et mais ça ressemble avec beaucoup des effectifs, avec des effectifs un peu plus qualitatifs tout de même que nos New York Knicks. En tout cas, voilà, c'était notre quart d'heure review de Tom Thibodeau. Mais globalement, on aime pas le personnage, on aime pas le jeu, mais il a produit quelque chose de bien. Et c'est bien aussi d'installer, de se laisser du temps pour construire une équipe, un effectif, un projet sportif, et éviter de changer tous les 2-3 ans de coach, parce que c'est à chaque fois, on chamboule un petit peu la mécanique. Et voilà, donc il va être attendu, rien, les objectifs vont être vus à la hausse. Il va attaquer sa quatrième année. Pour moi, un coach qui a fait 4 ans, pour moi le dernier, c'est Jeff Van Gundy. Oh, D'Antoni n'a pas fait 4 ans? D'Antoni, est-ce qu'il a fait 4 ans? Je pense qu'il a fait 3 ans. Je vais te dire. Ça s'est mal terminé sur la fin. Et pour l'instant, voilà, il n'y a pas de problème dans le vestiaire. Il tient son vestiaire, l'ami Tom Thibodeau. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un coach qui a un style sur lui. Voilà, en termes de physique, c'est pas le plus gros sex appeal de la NBA, clairement. D'Antoni, il arrive en la saison 2008-2009. 2009-2010, il est là, 2 ans. 2010-2011. 3 ans. Il part sous Melo. Et il part en 2011-2012, il part à la moitié. Donc il a fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc à voir si la saison prochaine, Tom Thibodeau va au-delà. Il est déjà dans les coachs les plus victorieux des Knicks. Ça va entre guillemets assez vite dès lors qu'on a un peu de longévité. Non, mais ça restera un mec qui aura marqué la franchise. Hein. Il aura permis de redonner du crédit, de redonner de la légitimité à cette équipe. Et c'est au moins tout ce qu'on peut lui accorder. À voir. Ouais, c'est le coach qui permet d'aller plus loin. Si tu regardes, c'est la question. Là, le seul vrai changement que tu as eu, ça a été Scott Perry. Parce que sur les dernières années, tu as eu ton président qui est resté en place. Tu avais ton GM qui était en place. Et tu avais ton coach qui était en place. Tu vois, pendant une régularité. Non, mais il faut souligner, une régularité comme ça au Knicks, c'était pas arrivé depuis quand? Que pendant 3 ans, ni ton président, ni ton GM, ni ton coach ne changent pendant 3 ans. C'est quand la dernière fois, tu vois ça? Un peu de stabilité, ça ne fait pas de mal et ça permet de construire une équipe et de progresser petit à petit. Et c'est comme ça que l'équipe regagnera. Ce n'est pas en changeant tous les 4 matins de joueurs majeurs ou de coach qu'on va réussir à s'installer durablement dans les équipes compétitives de cette ligue. Mmh. Et bien, du coup, on a parlé du coach. On va revenir un petit peu sur les joueurs et on va regarder ce qui pourrait attendre l'été des Knicks sur le marché des joueurs. Il y a aussi encore beaucoup de choses à se raconter. Allez, on passe sur la deuxième partie et on se projette sur l'été des Knicks. C'est parti. Alors, la transition met du temps à se faire, mais la transition se fait, et la transition va nous faire parler des joueurs, parce que là, on a parlé front office, on verra ce qui va se tramer vis-à-vis du poste de GM, on a parlé du coach, globalement, on est d'accord pour se dire que Tom Thibodeau va rester, hein. Tous ceux qui veulent le voir partir, bah, attendez encore un bout de saison, voire une saison complète. Ouais, c'est ça, rangez votre frein, buvez de l'eau, respirez relax, un bon coup, ça va bien se passer. Relax. C'est notre coach, c'est le coach des Knicks, donc pour l'instant on le supporte comme on supporte les joueurs de l'équipe. Voilà, si vous voulez faire de la fantasy basketball, il y a des simulations, des petites simulations qui existent pour ça. Mais voilà, ça risque des jeux vidéo. Voilà, on n'est pas sponsorisé par 2K, mais on était voilà, en mode GM sur 2K. Hey, et puis, on n'est pas sponsorisé par NBA Jam. petite transition, petit placement de produit. Allez, donc du coup, qu'est-ce qui attend les Knicks cet été? Il y a pas mal de choses tout de même. C'est toujours des étés passionnants pour les Knicks. Là, ils ont surperformé, ils ont dépassé les objectifs qu'on aurait pu leur donner en début de saison, à savoir retourner en playoff. Oui, ils sont retournés en playoff et ils n'ont pas fait de la figuration. Ils ont passé un tour et ils n'étaient pas très loin de, pourquoi pas, arracher un match 7 pour atteindre les finales de conf. Ça, c'est dommage, on n'en était pas loin. Peut-être que c'est une occasion de manquer. Qui va nous faire regretter ça la saison prochaine? Parce que la concurrence, elle va aussi essayer de se renforcer, ça c'est certain. Les Knicks seraient vus trop beau avec notre effectif parce que ce sont des playoffs bizarres et on aurait cru que ben, ça y est, on est arrivé à un truc. Et en fait, pas du tout. Donc peut-être que c'est ça. Faut raison garder aussi et attention de pas faire. Des panic moves en se disant il faut absolument changer ci, ça. On se rappelle après la saison du Weir, il y avait eu un ajustement, apporter plus de scoring, des lignes arrière. On savait tous que c'était pas ouf, quoi. L'arrivée de Evan et Kemba, voilà, ça a ramené un peu de hype avec Kemba pour le côté retour coming home, voilà, pour le gars du Bronx. Mais Evan, c'était sympa, Cocorico. Finalement, ça s'est vite avéré être de mauvais choix en termes de casting. On en avait parlé. Hein. Enfin, voilà, mettre des joueurs offensifs dans les bras, dans les mains d'un entraîneur défensif, ça n'avait aucun sens. Et la preuve, semblait pas être le meilleur fit du monde. La preuve, c'est qu'au final, on fait une saison moyenne, on n'est pas en play-off, on rejoue avec les préceptes du coach et avec les joueurs que lui veut avoir. Et là, boum, à nouveau, on a des bons résultats. Donc clairement, enfin, je veux dire, là cet été, faut pas se dire, ah, faut aller chercher un James Harden, c'est génial, alors que le mec il défend pas une cacahuète, tu vois, ça n'a aucun sens. Ça, c'est dit, James Harden, on raye de la liste, c'est bon. Ah, ceux qui étaient fans de Harden, désolé, il y a des strip clubs du côté du Texas, voilà. Bref, mais donc il y a pas mal de dossiers qui attendent les Knicks. Bien sûr, il y a toujours cette recherche de stars. On attend un grand nom, on attend que Léon Rose fasse marcher son carnet d'adresses, la fameuse agent, la mafia CIA. Voilà, on attend des choses par rapport à ça. Est-ce que c'est ce qui va se produire? On verra, on va en parler. Mais déjà, en interne, les Knicks, ils ont quelques dossiers à traiter. Et est-ce que ça ne sera pas lié au nouveau GM aussi? Ouais. Est-ce que, comme tu l'as dit, Léon Rose, il a une certaine mainmise sur la gestion de son équipe. Donc, à voir, regarde, on fait venir Papa Brunson pour récupérer JB. Alors, est-ce qu'on ne va pas récupérer un mec dans le front office en sachant qu'il a des bonnes relations avec un joueur? Attends, ne spoilons pas la suite. Je ne spoil rien, justement. Mais il faut être attentif à ce genre des moves passés et ce qui peut. Des trucs qui passent comme ça en disant tiens, lui il arrive là, pourquoi? Quand il réfléchit bien, il est pote de machin où il a été. Et là, après, t'as un mec qui signe et là, t'as toutes les infos qui tombent en cascade en disant mais d'accord, ok, je comprends. Mais alors au rayon des dossiers, déjà les dossiers par rapport à l'effectif, ceux qui sont présents, alors on le sait, il n'y a pas de draft à l'heure où on parle, il n'y a pas de tour de draft, que ce soit au premier ou au second tour. Les Knicks, ils vont regarder ça à la télé tranquillement. Oui, peut-être qu'il y aura des moves parce que parfois c'est l'occasion d'échanger des joueurs, de récupérer des tours de draft. Donc voilà. Et au rayon des moves qui sont plus ou moins pressentis. Tu fais la grimace quand tu dis ça. Tu fais la grimace quand tu dis ça. Je fais la grimace. Mince, body language. Le body language. Là, je me trahis. Alors au niveau des moves. Non, mais c'est pas si évident que ça. T'es pas très emballé par les joueurs que tu vas annoncer là. Sachant que voilà, on part sans pick de draft sur cette draft. On les a déjà donnés. Ou du moins le pick de Dallas, on ne l'a pas récupéré. Mais au rayon des moves plus ou moins attendus. C'est celui d'Evan Fournier. Evan Fournier, il s'est rapidement exprimé à la fin de la saison en disant « Oh, mais c'est bon, les gars, moi, je reviens pas. Enfin, je serais vraiment surpris si les Knicks me gardent, si je suis encore là au début de la saison. » Donc là, on n'est plus dans le message subliminal. C'est clair, voilà, il n'y a pas de langue de bois. Voilà, laissez-moi partir. D'amende. Et voilà, il est temps que vous me trouviez une solution. Après, cette solution, elle n'est peut-être pas si évidente que ça à trouver. Effectivement, c'est un joueur qui fait plus partie du plan. On l'a vu, il joue plus, il n'a pas joué en play-off, il a très peu joué en saison. Il est resté pro, il a fait ses petits entraînements, il est sorti de temps en temps pour mettre quelques filoches quand l'occasion se présentait, mais ça a été relativement rare. C'est un joueur qu'on apprécie parce que voilà, on aime bien le joueur, c'est un joueur de caractère, c'est un joueur qui a un bon QI basket, c'est un joueur qui aime le basket, donc en ça. Et c'est un joueur à la formation européenne, et disons que dans un effectif, d'avoir ce type de profil, ça peut toujours être intéressant. Il a une mentalité américaine, il sait où il a mis les pieds quand il est arrivé en NBA, il connaît les règles du business. Bon, bah, il a pris son contrat. Malheureusement, l'aventure se passe pas bien. Ça en rappelle d'autres. Il y a d'autres joueurs français, assimilés français, qui sont venus à New York, qui ont un peu eu un début de lune de miel, et puis c'est vite parti en cacahuète. Le français réussit moyennement bien, hein, au Knicks. Hein. C'est vrai. Quel est le meilleur joueur français, celui qui a le mieux réussi à New York? Pas évident. C'est Evan pour moi. C'est Evan sur la saison dernière. Hein. Parce celui qui a le plus joué en nombre de matchs, c'est Franky. Donc c'est dire. Ouais, mais après, Evan a battu le record de notre voilà, ami, pour moi, John Starks pour moi, par rapport aux 3 points. C'est, mais... t'as quand même Evan, après Joakim Noah, non. Kevin Serafin, non. Ronny Turiaf, c'est pareil, hein, c'est juste passé. Et puis Franky qui... Compliqué. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y aura donc pour moi, Evan, français, c'est le meilleur français qui soit passé par les Knicks. Hein. Il a fait une saison complète en tant que starter. Et comme tu dis, il a battu des records. Pour moi, ça a été le meilleur. Mais voilà, il est pas cramé, mais... il n'est pas rincé. C'était pas des problèmes physiques comme Derrick Rose, par exemple. C'est un joueur qui rentre tout simplement plus dans le plan du coach, qui s'est fait dépasser dans la rotation par du Quentin Grimes, par du Josh Hart ensuite. Donc voilà, il s'est rapidement retrouvé au bout du banc. Par contre, il y a un contrat où il reste encore une année garantie et une année en option. Est-ce que les équipes vont se bousculer pour récupérer Evan Fournier? J'avais donné ma projection, je vous avais dit, soyez vigilants au soir de la draft, c'est souvent c'est là qu'il y a des moves, des moves un peu bizarres, des contrats dumpés contre des seconds tours, donc que les Knicks finissent par drafter un obscur type au second tour contre, et là on va apprendre c'est pas impossible déjà, c'est pas on impossible on a récupéré le tour des Timberwolves et d'Indiana contre aussi, et qu'on a Evan qui part à Portland, et ben alors, ne soyez pas surpris, hein. Des Timberwolves, c'est pas sûr, parce qu'ils se sont un peu déshabillés tour de draft pour récupérer du Rudy Gobert, un autre joueur français. Non, mais il y a quelques bouts de rumeurs qui commencent à arriver. Est-ce que les Spurs pourront aussi faciliter l'intégration, l'arrivée de Victor? Il y a vraiment une connexion Wemby-Evan? Bah, c'est tout de suite, on fait des connexions parce qu'on se dit ils sont français, et puis les Spurs, voilà. Mais doucement. Par contre, est-ce qu'il va falloir Wemby, la personne Oui. Non, mais est-ce qu'il va falloir donner des assets pour, entre guillemets, se débarrasser d'Evan? C'est pas impossible. Possible. Jusqu'à présent, les Knicks n'en étaient pas trop enclins. Par contre, il va falloir libérer du salary cap avec le contrat d'Evan. Donc, on va pas le faire partir. Je pense pas que les équipes vont se jeter tout de suite au début de la free agency. Après, je te dis, marcher des trades sur Evan. On peut être surpris parce que c'est quand même un mec qui a quand même. Tu ne joues pas, mais t'as ta cote qui ne baisse pas. Pour le peu qu'il a joué, il a pas été horrible. Il a même fait plutôt des bons matchs que quand il a fallu jouer. Donc, moi, sa cote, elle n'a pas vraiment si chuté que ça. Disons que les GM savent les valeurs, connaissent les valeurs. Par contre, comme je te dis, évidemment, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, mais que tu ramènes... Mais peut-être même qu'on serait assez malin pour arriver à gratter un ou deux seconds tours, comme je t'ai dit. Donc, pour moi, le soir de la draft, vraiment, c'est le 22. Là, maintenant, c'est dans 2 semaines. Soyez prêts. Moi, je vais regarder parce que je vais être assez vigilant sur certaines choses. Et parce que des fois même, on peut, notre front office actuellement regarde un peu les prospects, ils peuvent avoir un coup de cœur, hein, ça arrive. Et ils disent, ah ben non, faut qu'on aille sur lui, faut qu'on parte sur lui, et dans ces cas-là, essayer de monter un trade pour un pick. Mais moi je te dis, Evan, pour moi les probabilités qu'il puisse bouger en... Et là en fait ça tombe à l'eau, et puis je vais passer pour un gros guignol. On va vite le savoir, hein, c'est le 22 juin, donc... C'est ça, bon, c'est mon pressenti. Après, voilà, je suis compliqué comme on a... Moi, j'ai peur que la situation dure un peu, et que, alors, soit ça se règle avant le training camp, ça serait l'idéal, parce que ça permet aussi, pour le joueur en question, pour Evan, qu'il trouve une équipe, retrouve un rôle et tout. Il va pas être buy-out, il va pas être coupé comme ça, parce qu'il y a trop d'argent encore sur la table. Bien sûr, trop longtemps. Et ça m'embêterait que ça traîne jusqu'à la trade deadline, parce que ça serait pas bon pour le joueur, ça serait pas bon pour la situation des Knicks. Et là, pour voilà, le coup, et après, il y a les fameux, oui, mais dans le cas d'un trade pour une grosse star, bah, ça, c'est son contrat qui rentre en jeu, qui pèse quelques millions de dollars, qui permet d'équilibrer des salaires. Possiblement, mais bon. Parce que c'est sa dernière année hors option, là. C'est sa dernière année hors option. Dernière année garantie. Donc, effectivement, plus on va se rapprocher de la trade deadline, plus cette année garantie, bon, bah voilà, elle aura moins de valeur. Les joueurs, les équipes pourraient le couper à l'issue de la saison sans prendre l'option. Donc, à voir. Mais en tout cas, on attend et on lui souhaite, ne serait-ce que pour lui, de trouver une issue, une porte de sortie par rapport à ça, qu'il puisse se réexprimer. C'est un joueur majeur de l'équipe de France. Il n'a pas joué cette saison, très peu. Au moins, il va arriver frais. Peut-être que cette campagne aussi estivale avec l'équipe de France va lui permettre de se revaloriser au vu des GM s'il n'y a pas eu de move d'ici la soirée de la draft. Au rayon des autres dossiers, il y a aussi nos deux anciens rookies, Quickley et Topin. On est sur deux situations totalement différentes. Un Quickley qui s'épanouit et qui était dans la discussion pour le titre de meilleur sixième homme. Alors les playoffs n'étaient pas terribles, certes. Et à contrario, on a un Obi Toppin qui est toujours barré par un Julius Randle qui a des miettes de temps de jeu, qui, lorsqu'il peut jouer un peu plus, il est toujours sympa, il est fun à voir jouer. Mais il a du mal à trouver sa place dans cette rotation. Il va falloir faire des choix. Est-ce qu'ils vont être prolongés tous les deux cet été? Moi, les deux, j'y crois pas. Est-ce qu'on prolonge déjà dès cet été Quickley au regard de ses playoffs qui étaient peut-être pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre? Ça parle des fois d'un contrat à hauteur de 100 millions de dollars sur 5 ans, ça fait du 20 millions, ouais, parce que sur 4 ça fait du 25. Mais c'est projeté sur les nouvelles règles CBA avec les contrats, enfin les caps qui vont augmenter et compagnie. Donc évidemment que les contrats d'hier sont plus. Moi j'ai entendu dire c'est du 18 millions l'année pour lui, 18-19 millions l'année. Mais quand grand tu max regardes, 20. Grand max. Ouais, 20, mais... Quand tu regardes finalement dans les rosters les contrats des sixième hommes, c'était ce que m'avait fait remarquer. Je sais plus sur quel réseau social. J'étais un peu comme toi, genre attends, c'est quand même beaucoup. Et il y avait un mec donc qui m'avait dit, mais si tu regardes bien les contrats des sixième hommes, des quatrièmes options, tu remarqueras que finalement on est plus dans ces ranges là des 18-20 millions que des 13-15. Et c'est vrai que le salary cap va augmenter, donc il faut en tenir compte. Voilà, et puis il faut voir ce que Quickley amène aussi. Hein. Il n'amène pas que d'un côté, il amène deux côtés du terrain. Il est jeune, il a encore du potentiel. Pour moi, c'est un joueur, ça serait... On serait là, cet été les seuls sur le dossier, on peut négocier en paix. Pour moi, c'est un joueur qu'il faut re-signer cet été. Pour moi, c'est une évidence, il faut le re-signer cet été. Disons que ça permettrait de partir serein avec... un avenir qui va se construire aussi autour de Quickley. Et c'est Quickley un joueur qui a toujours une cote. Donc même si derrière tu veux partir sur un trade, mais... Sa valeur après peut être estimée financièrement, effectivement. Et puis aujourd'hui, il a un rôle de backup de Jalen Brunson. Il peut jouer à côté, mais il a un rôle de backup. Donc finalement, on a un combo de poste 1-2 en ce qui concerne Quickley. Brunson, c'est un 1, mais voilà. Donc du coup, on a aussi cette charnière qui permet de locker le poste. Et puis Quickley, c'est un joueur qui a progressé, c'est un joueur qui est jeune, c'est un joueur qui est dans l'esprit. Tu vas trouver mieux. Il apporte des deux côtés. Pas sûr. Mais voilà, après ça va être une question de est-ce que t'es trop gourmand, de trouver un mec, de trouver un mec avec ce profil-là sur le marché. De trouver un mec avec ce profil-là sur le marché. Non, ça court pas les rues. À son âge, avec encore son niveau de progression, pour moi. Ça serait quand même dommage de se priver d'un mec qui, dans le futur, est un type qui peut tourner en sortie de banc à 18 points de moyenne facile. Donc, okay. Et donc, toi, les 100 millions, tu les mets? Enfin, ouais. Toi. Tu toi, les tu mets, les mets bah, allez, je vais chercher checker, bouge pas. On peut faire un PayPal. En 4 fois, ça marche, on peut le faire en 4 fois maintenant sur PayPal. On fait paiement entre amis, ça fait pas de frais. Donc, ça, oui, on a parlé des vannes. Oui, je les mets. On a parlé des... Tu les mets? Moi, ça me... Psychologiquement, ça me gêne. Je mettrais 80 sur 4. Il faut les mettre. Si tu veux de la stabilité, un sorti de banc avec un type comme ça, il faut les mettre. Faut pas les mettre sur n'importe qui. Et Obi, pour faire simple, non. Faut qu'on lui trouve aussi un autre terrain de jeu. Je pense aussi, on l'aime bien. Obi, il est attachant, il est sympa. Ça va être un mec en plus. C'est un bon gars. Qui te fait du lien dans le vestiaire parce que. Ça va être un mec qui doit être toujours déconnant, qui doit. Mais clairement, il est trop barré par Julius. Tant que Julius est là, en tout cas, lui est trop barré par Julius. Il a... Et puis là, maintenant, ça lui fait quel âge? 26 ans? Ah, il est arrivé tard et la marge de progression, voilà, on peut en douter. Il est drafté à quoi? Il est drafté à 22 ans? Il est drafté à 22, ou 23. 23, enfin, oui, il est drafté assez Ouais, tard parce qu'il a fait un 22, cursus un petit c'est peu. ça. Un Voilà, cursus complet, quoi, je crois. Donc pour moi, et là, ça va être sa quatrième année. Pour moi, il a 26 ans. Ouais, pour moi, sa marge de progression, là, est plus que limitée. et il peut intéresser des équipes. Il y avait Ouais. les Indiana Pacers qui semblaient intéressés par ce type de profil. Un type qui sort du banc, qui voilà, qui Ouais, et puis t'amène de l'énergie. aujourd'hui, il n'est pas Il sait cher faire. parce que son contrat rookie n'a pas été étendu. Donc ça Il laisse la sait faire des latitude après aux choses. équipes. Ça peut être l'été où finalement on laisse partir Obi, enfin on fait un trade et Obi est sur le départart. Mais Donc tu vois, par voilà, exemple, tu préparez-vous. parlais, tu vois, un Evan plus Obi, tu vois, tu mets un Obi, tu lui accroches au basque, tu vois, ça peut, tu vois, pour Ça aller peut chez, intéresser des équipes. ouais. Donc pour moi, ouais, pour moi Obi est un candidat clair, clair au départ Au cet départ. été. Non, faut pas le Et prolonger. c'est Ça rien n'aurait contre aucun lui, sens pour le mais pauvre en plus. c'est la situation qui fait que en ces 3 saisons déjà passées, on n'a pas Et c'est un trouvé échec, hein. un espace pour qu'il puisse C'est un s'exprimer, échec, quoi. ça, pour, tu vois, pour Scott Perry. La draft aussi haute Et Léon Rose. oui. Et de Obi, c'est un échec parce que ben, on sait très bien, on le savait, il avait été drafté parce que tu prévoyais de te séparer de Julius Randle. Sauf que C'est ça. Julius te fait la saison MIP, et là, tu as tout qui est chamboulé, tu as tous tes projets qui disent, ah ben ok, bon ben on part, ben, en fait on part sur Julius franchise, quoi. Et Obi, bon ben Obi, tu vas rester avec tes 15 minutes. Donc Est-ce qu'on a on l'a jamais drafté au développé, ce gars-là. talent ou est-ce qu'on a drafté au fit vis-à-vis d'Obi? C'est compliqué à dire, sachant qu'il restait du Tyrese Haliburton derrière. Mais On oui, avait un besoin déjà. pour moi, on a drafté en se projetant sur le départ de Julius. On a drafté au fit, entre guillemets, ouais, de la Au future fit équipe, quoi. futur. Ouais, Ouais, et en fait, ça a foiré. Ça a foiré. Bon, ça arrive, hein, mais ça a foiré. donc on lui souhaite, on souhaite aussi de trouver une porte de sortie IQ pour Obi. a quand même un Un champ panel, beaucoup un plus rayonnement. libre, un champ beaucoup plus libre devant lui, et puis il peut amener beaucoup plus de choses qu'Obi, donc Et puis un rôle dans la seconde unit pour IQ, ça fait tout à fait sens. Un rôle dans la seconde unit pour Obi, bah on l'a vu, c'est compliqué. On n'a pas réussi à Thibodeau a pas réussi à trouver la façon de faire cohabiter voilà. Ouais. et de faire progresser ce joueur. Gibbs C'est aussi le dommage, fait c'est jouer dans un dommage. certain registre qui n'était pas le sien au milieu. Il l'a Ouais. fait progresser défensivement parce que c'était pas le plot finalement. C'était Qu'on nous plus devenu prédisait, le ouais. plot comme annoncé. Parce que il y avait son mouvement vertical. Enfin, il y avait pas mal de choses qui avaient fait sur lesquelles on avait des doutes. Qui pêchait. C'était pas ça, ça a pas été le pire défenseur. Mais après, d'ailleurs, on l'a cantonné à du spot-up, quoi, à Obi, alors que c'était soi-disant le stud 2.0. Bon, Ouais. On n'en parle échec. plus sous ce qualificatif-là. Échec de Et la... donc on va arriver au gros dossier de cette Il y a Josh histoire. Hart On à trade, on prolonger. trade pas. Et Josh Hart à prolonger. Ah, j'en ai pas parlé, Josh Oui. Hart, mais Josh Hart, pour moi, ça paraît une évidence, en Oui. fait. Donc. Non, non. Non, non, c'est Josh Hart, pareil. avec ses histoires de lait maternel, voilà, de toute façon, c'est juste une histoire de Non, tarif, mais il sera prolongé il et il faut faut que les trouver le bon contrats tarif. de, il faut que les contrats de D-Rose et Evan soient reversés à IQ et Josh Hart pour qu'on reste dans cette continuité. Pour moi, Grosso voilà. modo, pour que ça Ouais. permette d'avoir ces Ouais. joueurs qui étaient utilisés actifs, tout à fait. Et Non, le gros dossier, on parlait d'Obi, ça permet de faire la transition. Obi était barré par qui? Par Julius Randle et se repose comme toutes les saisons, toutes les intersaisons, toutes les trade deadlines. Est-ce qu'il faut trade Julius Randle quid tout de suite? Pas tout de suite. de Julius. Julius Randle, est-ce que c'est le gars? Est-ce qu'il va nous amener? Est-ce que c'est un franchise player? Toutes ces questions, on les a vues, on les a entendues, on y a répondu ou pas, parfois, avec nos avis, nos perceptions. On a un autre recul parce que bah, on a forcément cette nouvelle saison, cette saison 2022-23, on a ces playoffs 2022-23, on a cette blessure finalement qui s'est confirmée avec cette opération. Ah, qu'est-ce qu'on va faire de Julius Randle? Julius Randle, dont un contrat voilà, qui est garanti il y a encore quelques années, quelques Un bon millions de contrat. dollars. Un bon contrat. Ouais, un bon contrat, mais Pour pas un non plus All-Star, un bon un contrat. contrat toxique comme on peut le voir ailleurs Non. avec des joueurs qui vont dans les 40, 50, 60 Ah ouais, millions. non, non, rien à Non, voir. on est plutôt sur quelque chose d'assez Ouais, stabilisé aux alentours de la 30aine. 25 millions l'année 25, 27, 30, enfin je sais plus pour un exactement, joueur on All-Star aura All-NBA. double All-Star, double Si All-NBA tu qui nous fait regardes du 25-10 cette saison. si tu Qui est regardes parce que clivant? dans Qui est Si tu clivant? regardes dans Qui est les clivant? teams, si tu regardes les All-NBA teams cette année, je pense que c'est celui qui gagne le moins. Hein, celui qui gagne le moins. Ça doit être un de ceux. C'est effectivement, ça serait un truc qu'on pourrait regarder. Mais effectivement, le rapport qualité-prix doit être bon si on regarde juste le dollar Ah oui. versus les stats. Ah oui. Après, ce que je dis, c'est un joueur clivant parce qu'il y a l'attitude, parce qu'il y a le body language, il y a le côté leadership qu'on attend et qui n'est pas là tout le temps, qui est Même là si cette parfois, année le mais. mood était mieux. Le mood était mieux, il a commencé avec le sourire déjà, avec des petites blagues et tout. Il s'est un peu moins clashé avec les coéquipiers, avec les assistants coach et tout. Il y a eu moins de drama cette saison. Il y a eu toujours un peu. Il y a eu toujours ces séquences où on décortique les efforts défensifs, clairement. Voilà, donc c'est pas le joueur parfait. S'il était parfait, bah, on parlerait de lui plutôt dans la discussion en tant que MVP, clairement. Et il ferait encore plus gagner les Knicks. Donc on n'en est pas là avec Julius Randle et je pense qu'on n'y sera jamais. Après, la question se pose, il y a eu tout un tas de montages. On va l'envoyer en Chine, on va l'envoyer contre Oh, le pic Chine. 3. Non, Alors ça, contre. c'était. Alors ça, si je peux parler, si je peux Vas-y, parler, vas-y. maître. Temps Moi, mort. j'ai une stratégie que j'ai envoyée d'ailleurs. J'ai fait un game plan à Léon Rose. Et donc moi, j'avais comme stratégie, vu que nous avons nos amis des Blazers qui souhaitent se séparer de leur pick Leur pic 3 3. pour entourer, parce qu'ils ont toujours le projet fou de se dire, non, mais Lillard, il y a un projet à faire avec lui. Je pense que même quand il aura 45 ans, ils diront toujours, non, mais attendez, je suis sûr que Lillard a un projet à faire avec lui. Il faut l'entourer, ce gars-là. Lillard, il commence à se faire vieux. À un moment donné, les mecs, ils déclinent, c'est normal. Hein. Non, non, non. Tu ne peux pas discuter avec eux. Non, non, Lillard est toujours dans son prime. Lillard, on peut toujours faire quelque chose avec lui. Bon, ils ne veulent pas partir sur un nouveau projet. Ok, très bien, les gars. Bon. Vous avez le pick 3, vous n'en voulez pas. Vous pensez que Lillard peut encore vous amener en terre promise. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent ça, mais d'accord. Dans ces cas-là, Admettons. moi, ce que je leur propose, c'est, tu vois, c'était justement Écoutez bien, ouvrez grand les Julius quand oreilles. même. Ouais, mais alors attention, parce que c'est de la science-fiction, et On est dans la jamais ça va se passer science-fiction, comme on n'a pas ça. la boule de cristal là, Et mais. jamais ça va se passer comme ça, parce que les acteurs qui vont participer à tout ce montage ne vont jamais traiter avec nous. Parce que historiquement, ils ne vont pas traiter avec nous. Mais voilà, c'est un petit projet fou. Dévoile ton plan, dévoile ton plan. Et donc, on va chercher ce pick 3 contre Julius. Et à la limite, s'il faut mettre un mec en plus, un McBride ou quoi, bon, voilà. Et ce pick 3 derrière, on va, parce qu'on a quand même la franchise qui est de l'autre côté du pont, qui elle est dans une technique justement actuellement de reconstruction. Ils savent qu'ils ont des joueurs, ils savent qu'ils ont des assets, mais qu'ils ont aussi leur manque des tours de draft et il faut qu'ils partent sur des nouveaux projets. Ils ont récupéré des mecs, mais voilà. Et on va essayer de monter un trade avec ce pick 3. Et pourquoi pas du. Ah, attention, ça va couiner. Des assets, Du des assets. RJ, du machin. C'est On des va plus gros assets, là. chercher. On va chercher. Ouais, oui, on va chercher Mikal Bridges. Et en free agency, on essaie de draguer Jeremy Grant pour le poste 4. Ce qui pourrait nous faire Carrément, carrément. une line-up avec un JB, avec un Mikal, avec Jeremy Grant. Avec Mitchell Robinson et puis après un Josh Hart en deux ou un Quickly en deux Alors du enfin coup, moi, voilà la ou un autre question mec après tout ça, c'est est-ce que avec cette line-up qui semble sexy, intéressante, jeune, rafraîchissante, avec plein de joueurs alors de parfois ils vont être Villanova boostés par deux qui se connaissent RJ bien? et deux Julius hein. Tu dis bisous tu Voilà. dis au revoir hein. Voilà. Donc on se sépare de deux gauchers. Je sais pas si les autres sont gauchers, mais on récupérerait. Voilà. Donc on est dans la science-fiction, attention. Hein. Et on a un pic Complètement. 3 de Et draft qui jamais. part Et genre qu'ils nous finalement. regardent et rigolent. Donc, mais moi, ça me semble pas déconnant parce que je sais d'intuber Salut les personne. voisins, vous auriez pas du sel? Ah non, mieux, vous auriez pas du lait. Non. Et puis, Non, non, non. j'essaie de faire des choses cohérentes selon les prix du marché. Je sais pas D'accord, d'accord. Et d'intuber qui que ce soit. ma question derrière tout ça, c'est après ce double move, déjà c'est pas simple à faire, il faudrait faire un double move Bien sûr. avec les Léon Blazers, Rose. pourquoi pas, on les a déjà carottes une fois, on peut les carottes deux. Mais avec les Nets, bon, est-ce qu'avec ça, tu te dis c'est sûr, je fais mieux que top 5 à l'Est, c'est Ah. sûr, j'atteins les finales de conf? Disons que pour moi, l'équipe. Sûr, faut faire un move où on dit. On va dans la direction Ouais, ouais. de viser des finales de conf, quoi. On cherche un ailier fort. Un ailier fort, pas un ailier fort. Un ailier costaud. Un Un poste ailier 3 qui un soit vrai poste consistant. 3. Pour moi, Mikal Bridges coche toutes les cases d'un mec qu'on recherche. En même temps, Il a c'est montré de belles compliqué, ce choses et type-là. encore plus honnête quand il est Ce passé honnête. Ouais. type-là, voilà, donc ça pourrait être vraiment le vrai pendant à JB sur l'aile. C'est-à-dire un vrai, en plus pour le coup, lui c'est un vrai all-around player. Il a une palette offensive folle, il défend bien, ça va être un mec avec un bon état d'esprit. Donc c'est vrai que là-dessus, moi Pourquoi je est-ce que les pense. Nets s'en sépareraient? Pourquoi est-ce que les Nets s'en séparaient? Parce que. Parce Sachant que. que c'est la grosse pièce qu'ils ont récupérée dans le trade de KD, quoi. Allez, c'est Donc, la grosse pièce qui a été immédiatement draguée dès qu'ils l'ont reçue. Et tout de suite, eux, ils ont dit non, non, Oui. on va pas s'en séparer dans l'immédiat. Mais parce que pour moi, je pense que les Nets sont aussi dans un projet post-apocalypse, post-KD, post-Kyrie. Et que on l'a bien vu, hein, ils ont surfé sur bah, quand même le début de saison avec leurs deux stars. Arrive en playoff, ça s'est fait salement Dis-toi, sweeper dis-toi. par Philly. Pour moi, cette équipe, il faut qu'ils repartent sur d'autres bases. Ils ont récupéré des mecs, il faut que maintenant ils capitalisent sur ces types-là. Tu vois, sur du Cam Johnson, tu vois, je pense que ça peut être des Qui est agent pièces. libre, qui est agent libre, il va falloir aussi, Voilà. ou peut-être agent libre restreint, mais il va falloir qu'ils fassent des choix. Et effectivement, ils ont une base jeune, il leur manque Et peut-être des tours de draft, il leur manque des choses, voilà. mais Donc, tu vois, après aujourd'hui, dans cet embryon, moi je vois qu'ils vont faire un lock, ils vont locker, même s'il est déjà contractuellement. Déjà loqué, Mikal Bridges, quoi. c'est Donc, possible, hein? Non, mais moi je t'ai dit, c'est qu'il effectivement, faut. c'est un joueur qu'on aurait aimé voir au Knicks. On aurait aimé le voir à la place de Kevin Knox, pour tout dire. Si vous remontez dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs années, au moment de la draft de Kevin Knox, on en avait fait Ah même oui, on est notre passé à favori, notre chouchou. côté. Kevin Un joueur de Knox, quand Villanova qui est même. Eh, quand titré, tout même. ça. Mais Kevin bon. Knox, la draft de Donc, Kevin ça, Knox, c'est quand même. Hein. ton grand plan science-fiction. Ouais, Bon, alors bon, pur, pur voilà, du coup. c'est de la pure SF. Je suis d'accord avec vous tous. Ça ne se passera jamais. Je suis au courant que ça ne se passera jamais. Jamais Brooklyn va nous écouter. On va taper à la porte. Comme ça. C'est qui? C'est les Knicks. Dis que je suis pas là, chérie. Je suis sous la douche. Donc, bon, jamais, jamais ils vont nous répondre. Mais si tu poses tout ça sur le papier, tu vois, tu vas voir après derrière avec ton pick 3, tous les picks qu'on a ramassés, les picks un peu chelous là. Tu rajoutes du RJ, Ben, tu J'y vois, crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, non, j'y crois pas, j'y crois mais pas. ça c'est cohérent. Tu vois, c'est pas, tu vois, je te montre pas un move. Ah, regarde, on met le pick Miss McBride, on va le chercher. Non, non, non. Je te fais Mais un truc. pour revenir à la grosse pièce du puzzle, moi à chaque fois je vous le dis, hein, je vois la construction d'une équipe comme un puzzle qu'on assemble. Et à la fin, le puzzle il te fait le Larry Borean Trophy. Et à chaque fois tu mets des pièces plus ou moins grosses. Et quand tu retires des grosses pièces, bah, du coup il faut recompléter soit avec plein de petites, soit avec des grosses pièces. Et Julius Randle aujourd'hui c'est une grosse pièce, comme Ouais, Jalen mais tu le Brunson est une grosse remplaces, hein. pièce. Quelle est la plus grosse pièce dans les deux? J'en sais rien. RJ Barrett c'est une pièce moyenne, voire une grosse pièce. Donc attention, ces moves. Bah, si on les fait, Ah ben, les c'est Knicks sont pas évident dans que une tu changes. dans un trend pour dire bon, ok, on dégage un joueur parce qu'il est devenu complètement indésirable, comme ça a été le cas pour la fin de Melo. Voilà, en plus il y avait une no trade clause, donc c'était plus compliqué. Ouais, puis Et dans ce Melo. cas-là, on est prêt à prendre des assets et reculer sportivement. Là, non, la saison prochaine, les Knicks, ils vont vouloir faire aussi bien, voire mieux. Et donc, ça va être la question à se poser à chaque fois. Est-ce que ces moves, ils vont permettre de faire mieux, d'aller plus loin? C'est pas si évident que ça à dire. C'est évident, il faut prendre des Et risques. il faut prendre des risques, mais en même temps, Est-ce que l'été dernier, si tu avais envoyé tout ton roster contre Spider, est-ce que tu aurais fait mieux, moins bien? La timeline était différente parce que tu étais 11e. Tu avais régressé sportivement, donc tu pouvais que faire mieux. Là, maintenant, le move, tu peux faire un move qui fait que tu vas régresser. Et dans ce cas-là, on va dire, ah, c'était pas ça qu'il fallait faire, on aurait mieux fait de Moi, garder un tel. personnellement, bon, moi je t'ai donné mon idée, mais moi je pense que. Alors, soit. Est-ce que tu penses, pour faire court sur Julius, Y est-ce aura. qu'on le trade Non, dès là, dès cet non, été? non, il n'y Cet aura pas été, de move. pas. Non, non, non, Julius part pas. Julius, ça part, Ok. ça bouge pas. Pour moi, Julius, ça bouge pas. Ou alors, vraiment, le trade, on va avoir un trade dégueulasse. Mais non, non, non, non, non, non. Pour moi, Julius, ça bouge pas. Je pense qu'à la limite, encore une fois, celui qui risque d'être sur le départ sera un jeune Canadien. Mais pour moi, Julius, c'est, tu vois, tu parlais que Mikal était lock. Pour moi, Julius est lock. Voilà. Pour Il est moi, c'est lock, clair, hein. Ça même bouge pas. si il est toujours contesté par la fanbase, Ouais, je mais la vois fanbase, elle dit pas, ce qu'elle je veut. vois La pas. fanbase, elle vomit continuellement sur Tibbs. Et Tills, il a les bonnes grâces du Il a GM, en des fait, enfin, du résultats. Il a des président. résultats pour l'instant. Il a des Donc, résultats et Julius est All-Star et All-NBA. Donc, soit en effet, bah, tu vas chercher mieux que lui. Moi, j'essayais de monter un trade pour avoir une équipe cohérente. Une équipe Oui. cohérente qui puisse vraiment se battre dans tous les aspects Mais du la jeu. question à se poser, la Mais. question Ah, mais primordiale, c'est est-ce qu'avec cet effectif, même s'il est plus cohérent, même s'il joue différemment, est-ce que cet effectif, est-ce qu'après un trade d'une voire de deux pièces majeures dans la construction actuelle de l'équipe, est-ce que ça te fait rendre l'équipe plus forte et est-ce qu'elle va t'amener sur le papier mieux qu'un poste, une spot 5 de la conf? Est-ce ils qu'elle te jouent pas permet ensemble. d'envisager une finale de conf? C'est ça, on ne sait pas non plus de quoi l'avenir peut être fait et associer des nouveaux joueurs, est-ce que la mayonnaise prend ou pas. Mais attention, il y a de la concurrence dans la conférence Est et c'est pas si simple que ça d'aller chercher cette place de Moi je finale vais de te conf. dire, moi Faut je vais te dire une vraiment chose, moi je vais te dire une chose, un peu bête, mais peut-être qu'il n'est pas tant que ça. C'est que on a un mec dans l'Ohio. Qui joue actuellement pour une franchise des Cavalières. Et ce type-là, clairement, quand il fait des sorties médiatiques, ah, c'était bien le MSG quand on jouait en playoff. Oh là là, quelle ambiance incroyable! C'était génial, vraiment. Il donne tout du début jusqu'à la fin. Et tu sais que le mec, en fait. On aime tous New York, on le sait, on le sait. Là, tu sens que le gars attend ses 2 ans de contrat, la fin de ses 2 ans de contrat, et que en 2020, l'été 2025, ça va être bon. C'est bon, je peux y aller maintenant. J'ai pas besoin de votre mot de sortie, on est d'accord, hein, c'est C'est bon, je peux terminé. rentrer à la maison. Et pour moi, je pense que les Knicks sont à l'affût de ça. Et en sauf retournement de situation, et si et vous avez bien compris que je parlais de Donovan Mitchell, je pense que Donovan Mitchell, l'aventure, en tout cas les futurs Photoshop pour lui avec le maillot de Knicks ne sont pas On peut les finis garder, on peut les parce garder, que je ouais. pense que Donovan Mitchell a toujours Dans le coin de la tête. dans son coin de la tête de venir aux Knicks. La façon dont il en parle, moi tu clairement, enfin tu lis entre les lignes que ça le ferait bien kiffer quand même de jouer à New York. Donc je pense qu'il attend ses 2 ans. Et d'ailleurs, si tu regardes un petit peu la fanbase, que quand on post-playoff, post-truc, c'est profitons de Donovan. Je pense qu'on l'a pour 2 ans et peut-être pas plus. Donc, C'est de la location, c'est pas de l'achat. ouais, pour moi, peut-être qu'on est dans une timeline où on attend les 2 ans, on va faire un truc, on va rester toujours compétitif, mais on attend les 2 ans pour aller chercher Donovan Mitchell en 2025 à l'été. C'est Du mon idée. coup, sauf Ça grosse bouge pas plus star, que ça, pour effectivement. l'instant, Julius Randle, on n'est pas vendeur. Après, s'il y a des opportunités à voir, mais pour le moment, Il faut voir on la fin des pressent, on contrats, pressent. comment elles se goupillent. Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que tu vois, Et s'il n'y a alors, pas de du contrat à coup, l'été 2025. tu nous as envoyé du Spider. Moi, il y a d'autres noms que j'aimerais qu'on évoque. Bon, enfin, Donc, c'est je te Spider dans propose super une longtemps. petite transition. On reboit un petit coup. On remet la tête dans les contrats. Et on en parle tout de suite. On regarde les autres noms qui pourraient, pourquoi pas, agiter l'été des Knicks. Allez, c'est parti. Ah, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Ça, c'est certain. Tellement l'été sera chaud qu'on est obligé de faire deux parties où on se projette sur l'été. Tu nous as lâché le petit homme araignée. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs Spider-Man au cinéma. Perso, pas encore, donc no spoil. Il paraît qu'il est chouette, il Il paraît. paraît. Eh ben, j'irai voir. Même si, semble-t-il, c'est plus un fan des Nets. Mais bon, tout le monde a le droit de faire des Non. erreurs. En tant que jeune, on ne le juge pas. Non, l'été sera chaud parce que oui, forcément, on a parlé des joueurs actuels, potentiellement de départ ou pas départ. Nous, on vous le dit, on pressent que Julius Randle, il est toujours là la saison prochaine. Donc préparez-vous, mouillez-vous la nuque, ça va Voilà, bien passer. alors là, les haters de Thibodeau et qui ont Ils seront l'option au retour et qui ont alors. coché l'option Julius Randle, alors là, ouais, servez-vous un pastis, mettez-vous au frais, sortez les olives, parce que ça va être long. La saison peut être longue. Mais bon, ça donnera des motifs pour rager ou pas. Mais non, il y a des joueurs autrement qui ont fait parler. Toi, tu parlais de Donovan Mitchell. C'est pas le joueur sur lequel je voulais qu'on Non, mais s'attarde. c'était une façon de parler parce Effectivement, que les dernières sorties m'ont fait marrer. il a toujours en coin de la tête New York, c'est quand même plutôt une ville sympa. Donc à voir. Mais effectivement, les Cavs l'ont fait venir. Est-ce qu'ils seront prêts à un moment donné à tourner la page rapidement de Donovan Ils n'auront Mitchell pas le si choix. ça se Ah, confirme pas? s'ils sentent que le Ils mec, verront, ils verront. dans 2 ans, leur met la carotte? Ah, peut-être, hein. À voir, à voir. En tout cas, on pourrait être partenaire de trade avec eux. Non, il y a un joueur qui avait fait parler de lui, et pas le moindre des joueurs, c'est leur ami LeBron James. Bah oui, parce que monsieur, il s'est fait sweeper, mais tout de suite, il a dit, ouais, peut-être que je vais prendre ma retraite, patati patata. Vous savez comment ça se passe. Très très fort pour gérer, communiquer, manipuler les médias. Mais ça n'a pas manqué. Forcément, les bookmakers de Vegas ont tout de suite sorti les projections. Et ouais, si LeBron James quittait les Los Angeles Lakers, où est-ce qu'il pourrait partir? Pourquoi pas New York? Bon, ça Bon. suffit. On nous l'a déjà fait une fois, deux fois, c'est bon quoi. Hein. Oui. C'est bon, LeBron à New York, c'est mignon, mais non, non, il a fait des On choix a dans tout sa donné en carrière. 2010. Hein. 2010, on a tout donné. On va pas s'attarder plus sur LeBron James, c'est mignon, mais ça ne sera pas une réalité. Hein. Et voilà, on va pas Bon. construire une équipe avec LeBron James. Sur un mec de 40 ans qui. Trop fin. Non, non. Par contre, il y a un autre nom et pas n'importe lequel, Bronny le James. Le fiston Melo. Non, non. Non, monsieur, notre compatriote Joël Embiid. Mais oui, Cocorico, pourquoi pas un nouveau Français pour faire mieux que Kevin Serafin, Ronny Turia, Frank Ntilikina, Evan Fournier et Enfin, Joakim oui, là, Noah. il a le passeport français, mais pour l'instant, il n'a pas encore joué pour Dans l'équipe de sa France. collection de passeports, il est assimilé Dans sa français. collection, voilà, il est aussi américain, faut pas oublier. Hein. Ouais, et camerounais à la base. Et Mais camerounais, oui. voilà, donc l'ami Joel Embiid, client CIA. Ah tiens, donc peut-être que. Bon, MVP en titre, mais un MVP en titre qui passe pas le deuxième tour de playoff. Dommage. Ouais. Un MVP en titre qui a quelques petits soucis de blessure récurrents. MVP Mais un un titre MVP en qui a titre. tendance à se décharger sur ses petits camarades et pas trop assumer. Un joueur qui est clivant aussi, qui passe beaucoup de temps sur la ligne des lancers francs. Bon, voilà, il a raison d'en profiter de son corps avantageux. Un joueur qui va dire au revoir à son docteur, à Doc Rivers, et qui va dire bonjour à Nick Nurse. À Bon. son infirmière, il y a le docteur qui s'en va, il y a Qui l'infirmière qui passe la du doc à remplace. nurse. Ouais, qui. Bon, bref, tu préfères qui? Mais voilà, donc semble-t-il, les Knicks surveillent la situation de Joel Embiid. Forcément, un MVP, s'il se retrouve à être sur le marché, s'il demande, s'il exprime un trade, est-ce que lui va vraiment envie d'avoir un nouveau process de reconstruction à Philadelphie? C'est une situation qui va être surveillée, mais, rappelez-vous, c'était quand la dernière fois qu'un MVP en titre change d'équipe dans le cadre d'un trade? C'est pas si souvent que ça en NBA. Faut remonter à l'époque Moses Malone, voire peut-être du Wilt Chamberlain. C'est arrivé, voilà, on compte les fois où ça s'est produit sur les doigts d'une main. Et encore, Moses Malone, c'était dans le cadre d'un sign and trade. Il était quasi agent libre, et il a été beau prince en acceptant un sign and trade pour pouvoir avoir une contrepartie où il est passé des Rockets aux Sixers. Tiens donc, les Sixers, Philadelphie. Bon, moi j'y crois pas à cette pseudo-rumeur. On a vu tout un tas de. Ouais, regardez JB, il discute à l'oreille de Joel Ouais. Embiid. Ouais, d'accord, très bien. Tu veux pas venir à New York? Bah si, c'est sympa, la femme de New York. Pour un Joel Embiid qui aime l'exposition, il serait clairement pas contre venir jouer, je Après, pense, à Philadelphie, Madison c'est un beau Square marché, Garden. hein. Philadelphie, c'est un beau marché, il y a une belle fanbase aussi. Voilà, il a un effectif. Qui est pas si mauvais que ça, hein. Carrément Ça pas. manque de résultats Carrément pas. aussi. Ça manque de résultats. Il y a C'est quand un même. côté quand même injury prone, hein, sur Joel Embiid, donc attention. Il y a un côté big contract. Là-dessus, on parle d'un très très gros contrat. Ouf. Est-ce que les Sixers seraient prêts à faire un trade si Embiid dit non, dégagez-moi de là, j'en peux plus, merci, au revoir. Ah, je Voilà, vois s'il pas. force la main, déjà ça se fera peut-être pas tout de suite cet été, ça se fera Non, et puis, peut-être au ouais, fur et à puis mesure de la tu saison. perds là parce que là l'été déjà cet été si tu perds Harden, tu perdrais en plus Embiid. Et Et Nick t'as Nurse il changé de serait coach? arrivé et si, Nick Nurse il serait arrivé là-dedans en lui disant bon au fait Toto tu pars sur un projet reconstruction? Je vois Bon pas. courage, hein, bon courage. Et Je vois pas. puis, Autour il de faut aller Tobias Harris renforcer. et Tyrese Maxey? Ouais, il faut aller renforcer un concurrent direct dans la même division en plus. Donc ça paraît peu probable qu'il y ait ce genre de deal. Même si tu envoies du Julius Randle, RJ Barrett ou Quickley ou des tours de draft. Pour l'instant, ils sont plutôt dans une dynamique où ils veulent atteindre ces finales de conf, ils Ouais. veulent atteindre les finales NBA. Embiid, ça y est, il a coché la case, je suis MVP. Maintenant, il va peut-être se projeter pour je vais réussir en post-season. Donc, moi, je vois encore au moins une saison à croire dans un projet Joel Embiid aux Sixers. Ça reste de l'ordre du fantasme, peut-être la saison d'après. Mais voilà, attention, il y a une prise de risque. Là aussi, on parle d'une très grosse pièce. Et puis, si on parle d'un MVP, quand on voit le volume d'assets qu'il a fallu donner pour trade du Rudy Gobert, pour trade du Donovan Ouais. Mitchell, pour trade du Dejounte Murray, attention, là, il va falloir donner beaucoup de choses aux Voilà, Sixers c'est pour pouvoir récupérer un Joel Embiid et qu'il passe vraiment dans un mode reconstruction, pour un quoi. mec pour un mec bl souvent blessé, comme je dis, pour un mec souvent blessé et qui a quand même un caractère assez spécial, tu prends énormément de risques, hein. Moi, je suis pas fan, hein. Star Moi, déjà à la tendance base, diva quoi. je suis pas hyper fan du gars. Faire un trade qui va hypothéquer beaucoup de choses sur les Forcément. 5, 7, 8, enfin 5, 7 ans plus, qui arrivent sur un type comme ça, je Après, sais pas. voilà, je pense que enfin je l'ai dit, je pense que ça ne se fera pas cet été. Au Mais mieux, c'est des j'espère que ça ne se discussions fera pas. qui peuvent revenir la saison prochaine, voire la saison d'après. Mais là, on parle d'une grosse pièce de puzzle, on parle du MVP en titre, on parle d'un des deux meilleurs pivots de la ligue. Hein, il y a lui et Jokic. Hein. Ouais. Citez-moi d'autres pivots qui sont meilleurs que Embiid aujourd'hui. Après, effectivement, reconstruire la colonne vertébrale de l'équipe autour d'un poste 1, poste 5, parce qu'on se dit tout de suite, ouais, regardez, ça va bien matcher entre JB, les pick and roll à Je folie. sais pas. Est-ce que ça a bien marché avec Harden et Embiid? C'est pas Pas des si mal, masses. mais ça va En pas là tant où que t'es c'est pas censé aller, ouf. quoi. Non. Ça va pas là où c'est censé aller, à savoir finale NBA, voire finale de conf. Donc, Moi, je sens que c'est un est-ce mec que... qui peut un peu te mettre le bras dans le vestiaire. Je sais pas. Ah, c'est... Voilà, c'est un joueur qui a une aura qui dépasse juste son poste 5 dans Tu peux dire, il a des grosses sur chevilles. le parquet. Il a Un des gros grosses melon. chevilles. Un gros Ouais, melon. bien sûr. Après, c'est des joueurs stars. Oui, Donc, mais. on veut des stars, Non, on a mais tu peux le avoir des revers de stars la médaille qui va et. avec aussi, quoi. Tu peux avoir des stars avec un gros melon, mais qui a de l'humilité, quoi. Possible, hein. Donc, je serais curieux de savoir en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Joel Embiid, pas forcément cette saison, mais pourquoi pas la saison d'après, est-ce que c'est le type de joueur que vous aimeriez voir à New York? Je pense qu'il rapporterait effectivement de la shine là-dessus, tout un tas de haters aussi, parce que voilà, c'est un joueur qui est pas neutre dans son jeu, dans sa façon de s'exprimer, dans la façon de se comporter sur et en dehors du terrain. C'est un joueur qui est valuable, pour preuve, il est most valuable cette saison. Est-ce que c'est un joueur qui permettrait d'envisager plus que top 5? Qui envisagerait de faire de la finale de conf? Au moins? Je pense que oui. Hein. Tout à l'heure, avec tes De la finale histoires de de conf. trade, Mikal de. Bah, il l'a jamais fait Serait pour une l'instant, nouveauté pour lui. Hein. mais c'est le type de joueur qui doit t'emmener là-bas, normalement. Qui doit Ouais, la qui preuve doit que non, t'emmener hein. là. La preuve que non, hein. Il ne l'a pas fait. Peut-être la faute Ça du fait coach, je sais pas. quoi? Attends, et la La faute du faute des coach, je veux bien, teammates, mais je sais pas. ça fait teammate, mais t'as vu leur équipe? Non, Enfin. mais il avait du Ben Simmons qui voulait plus shooter à un moment donné aussi. Donc, Enfin, ouais, il avait du Jimmy lui, Butler aussi. lui s'est défaussé, sur certains teammates Bah, forcément, il fait que ou. ça. Donc voilà, c'est un joueur qui soulève pas mal de questions. Est-ce Le que gars en en sortie de play, 2023. le gars en sortie de playoff, il se marre, il rigole, il paraphrase Giannis en se foutant de sa gueule. Alors que Giannis, quand il le dit, lui, puisque quand il parle qu'il n'y a pas forcément On sentait d'échec, plus de sincérité, tant que le effectivement, dans mec les mots il a envie de rouler sur tout le de monde, Giannis. et lui, ça le fait marrer, ça le fait rire. Enfin, pour moi, si les gens. Il a un côté clown. Il a un côté clown. Si les gens qui critiquent Julius Randle trouvent que Joel Embiid est bizarre, pour moi ces gens-là sont bipolaires. Parce que Joel Embiid, lui, au niveau du caractère et de sa façon de penser, moi je l'ai sorti, j'ai vu ce que sa sortie médiatique post-playoff, mais je me suis dit, mais c'est qui ce Après, il gars fallait la quoi? prendre dans l'ensemble de sa Oui, déclaration, je l'ai parce regardé, mais qu'effectivement, il y en a je l'ai qui ont isolé regardé, juste, je peux pas faire évidemment. tout tout seul, Évidemment qu'il a dit des choses bien, mais que quand il se marre, quand il rigole, quand il paraphrase Giannis et qui rigole, mais tu rigoles, tu viens de te faire salement sortir, et toi t'es là en mode c'est pas l'attitude ouais, que tu attends, ouais, clairement. et ça c'est Après, ton bon, leader ça? Ça c'est ton on a vu leader? du On a vu du MB de sortir en pleurs à d'autres moments. Il a un côté émotif qui a été détourné en forme de mème et tout. Mais effectivement, Non. c'est pas un joueur, c'est Moi je pas un suis pas joueur comme fan. les autres. Et l'attitude compliquée. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Donc voilà. Donc ça, c'est un des gros noms. Clairement, on ne le voit pas ce move se faire. Au rayon des autres gros noms dans cette ligue qui font fantasmer tout un tas de fans. Voilà, je fais la transition. Et ben là, on l'a avec le Photoshop qui va bien. C'est Jaylen Brown, un autre GB qui est un très bon joueur. On parle pas d'un joueur de calibre MVP, hein, on n'en est pas là du tout pour Jaylen Brown. Alors, un GB plus un GB, ça fait 2 GB. Je sais pas s'il y a 2 GB, c'est possible. GB au carré, alors va savoir duquel GB tu parles. Effectivement, c'est un joueur qu'on aimerait voir. Voilà, un peu un Mikal Bridges plus aussi, pourquoi pas. Mais est-ce que Boston, qui est dans une situation où ils sont en retrait sur leurs objectifs sportifs, qu'on fait un changement de coach, qui ont cette paire, Tatum, Brown. Brown, il n'a pas fait une super finale de conf. Non. Hein, il n'a pas fait une super finale de conf. Mais il est quand même en finale de conf, le garçon. Quoi. Mais est-ce que Jaylen Brown, par rapport à cette saison, à ses sorties un petit peu médiatiques... Énigmatiques aussi, ouais. Est-ce qu'il a toujours envie de rester... flamme pour rester à Boston? De rester à Celtics. Est-ce que cet été, il ne va pas y avoir des discussions? Je veux dire, l'année dernière... Quand t'as le Jazz qui pète, est-ce qu'on l'avait vu venir que le Jazz allait péter, tu vois? On l'avait pas vu venir. On le pressentait peut-être un peu plus. Je te dis pas que les Celtics vont péter. Pour moi, ils vont pas péter. Mais pour moi, il peut y avoir une discussion sérieuse entre lui, le front office, et lui, il peut dire, écoutez, moi, là, je me sens barré à mon poste. J'aimerais prendre peut-être les rênes d'une équipe. Actuellement, je m'épanouis pas chez vous. Enfin, c'est à tout ou moi. Et ouais, ça peut. Et franchement, ça m'étonnerait pas. Il y aurait rien de surprenant que Brown bouge cet été. Ses déclarations avant playoff étaient assez énigmatiques quant à son avenir. On parle d'un joueur qui pourrait quand même toucher un très très gros salaire. Ah ouais. Ouh, ça pourrait monter à 66 millions de dollars la saison. Ouais. Donc là, effectivement, quand tu payes un joueur à ce montant-là, là, il faut que tu vises de la finale de conf et de la finale là, NBA. Bah ouais, not one, not two, not three. Enfin voilà, attention. Et pour l'instant, c'était peut-être le meilleur Celtics des finales NBA saison dernière. Ah ouais, il avait été très fort. Par contre, est-ce qu'il n'est pas en retrait cette saison? On peut se poser la question. Alors, il y a le changement de coach. Ça a été. C'est un jeu compliqué parce que si tu te dis tiens je vais me saborder un peu non que... mais peut-être que ça cogitait aussi pour moi mentalement je le vois plus rester, je ne le vois pas finir la saison prochaine au Celtics à Boston. Je dis bien ça finir. Je ne le vois pas finir, j'ai pas dit commencer, hein. Pour moi il peut commencer la saison mais je ne le vois pas terminer la saison au Celtics. Ça sent une sorte de départ, mais si on parle de départ, là on parlerait cet été ou en cours de saison, on parlerait d'un trade. Est-ce que les Knicks, vis-à-vis d'une discussion, allô Boston, pareil, on est dans la même division, et puis ils sont dans une dynamique où ça vise du titre, ça parle pas de reconstruction, c'est pas nos quelques pics de draft qui vont faire affaire avec Boston. Non, et puis il faudrait envoyer là, faudrait envoyer. Là, t'envoies pour un challenge. T'envoies pour matcher. Parce que si, imaginons que ça se passe dans un cadre de sign and trade. D'un sign and trade, ce qui sera forcément le cas s'il doit bouger. Parce que clairement, il va prendre son énorme contrat. Il veut son argent, normal. Il va le prendre. Et donc, donc ça veut dire que tu envoies du RG, du Julius, du IQ, du Grimes, des picks. En veux-tu, en voilà. Enfin, là, c'est un gros deal. Très, très lourd. Hein. Autant on parlait pour Joel Embiid de beaucoup à envoyer pour pouvoir obtenir ce type de joueur, là pour Jaylen Brown, on parle d'équivalent. Même s'il n'est pas MVP, et puis en plus on parle d'une équipe qui n'a pas renoncé, qui n'est pas en mode reconstruction, Joe Mazzulla. Ils ont confirmé. Ans, il est All-Star. Ouais. Il n'est pas encore dans son prime. Et c'est un beau joueur, on aimerait le voir. Les Photoshop sont beaux. Mais je vois vraiment pas dans quel monde ça peut se faire là cet été ou courant de saison prochaine. Je ne vois pas quoi. On disait pareil pour Spider. Hein. C'est pas la même trajectoire. C'est pas la même trajectoire. Je vois pas les Celtics se mettre en mode reconstruction comme le Jazz l'a fait. Ce que je veux dire par là, c'est que un mec qui bouge, tu vois, KD a bougé. Le Jazz a changé son coach, a changé Rudy Gobert. Et voilà, il y avait beaucoup de moves qui étaient en train de se faire jusqu'à ce que Spider bouge. S'il y a une discussion cet été avec Boston et que lui, clairement, il leur dit, écoutez, moi, je vais me casser, quoi. Mais ils voudront une contrepartie qui permet de Après, les d'envisager. contreparties, c'est quoi? C'est quoi? C'est un booker? C'est quoi la contrepartie? Tu vois, dans le type de joueur, c'est un Doncic? C'est quoi la contrepartie? Non, mais Ouais. Non je mais te parle voilà, de ouais, mais du coup, contrepartie. on parle d'une Quoi? contrepartie élevée d'un Énorme. joueur Eh oui, la contrepartie, et qu'est-ce que on tu n'a vas pas ça chercher? aujourd'hui. Qu'est-ce que Aujourd'hui, tu vas Onyx, on n'a chercher? pas ça. Après, ouais, tu réfléchis finalement, la contrepartie qu'ils peuvent avoir pour un mec comme lui, c'est quand même très réduit parce que ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher le franchise player d'une autre équipe. Pour moi, c'est ça. Hein, c'est Un gros lieutenant en face, quoi. un quali franchise player. Donc, franchise player pour franchise player. Ou Donc. un lieutenant très élevé. Bref, l'autre JB, Jalen Brown, a priori, c'est pas pour les Knicks. L'autre En GB. termes de gros noms, il y en a un gros nom. Pareil, client signé, qui là, du coup, est peut-être dans une dynamique d'être plus proche de la porte de sortie. Ah, je le C'est vois Karl arriver. Anthony Towns, le gros chatou. Et c'est là qu'on va parler de Gerson Rosas. Et ben voilà, donc si vous étiez présent au début de l'émission, voilà, on en revient sur Gerson Rosas qui était dans le front office Ben des oui, qui Minnesota avait un gros Timberwolves. rôle. Était président des Ah, opérations alors basket, je crois. lui, Karl-Anthony Towns, qu'est-ce qu'on va en penser? Alors il se montre, voilà, je suis fan des Yankees depuis tout jeune. Ouais, ok, c'est cool. Moi Oui. aussi j'ai une casquette des Yankees. Mais, est-ce que Karl-Anthony Towns, est-ce qu'il va être disponible? Est-ce qu'il va être libre? Est-ce que Je pendant peux qu'on a signer perdu aussi, Seb. Ouais, ça aussi, Yonis. tout le monde là, tout le monde là, tout le monde là. Après, quand on aime New York, c'est un sigle de ralliement assez distinctif. Mais ouais, voilà. Là, on est sur un joueur et sur une équipe qui est peut-être à la croisée des chemins. Ils ont fait un gros move l'été dernier avec Rudy Gobert. Ça n'a pas vraiment payé, hein. Ils sont Non, sortis au premier tour, ils ont une saison cette histoire de compliquée. Clint Bon. Tower, ça n'a pas marché. Du coup, il va falloir faire des choix. Il y a aussi Anthony Edwards qui pourrait prendre ce rôle de franchise player, être Oh, je crois voilà, qu'il a pris, prolongé hein, avec quand un même, hein. gros contrat. Je crois qu'il a Mais pris, du hein. coup, tourner la page Karl-Anthony Towns, ça paraît pas improbable. Non. Là où du Jalen Brown, du Joel Embiid, voilà, on sent que c'est pas la Non, mais même alors. facilité de tourner la page. On Là, se elle plaint de semble la plus softitude. proche. On se plaint de la softitude de certains. Alors là, le gros minot, il est soft Aïe, aussi, aïe, hein. aïe, aïe, aïe. Et côté injury prone, on a quelques des blessures. Est-ce qu'on a un joueur qui défend mieux? Pas sûr. Est-ce qu'une C'est un joueur raquette? qui fuit Une énormément à la raquette? raquette. Une raquette Randle 4? Ça Oh, paraît un peu ça. curieux. Une raquette Personne. Il n'y aurait plus personne à la Karl-Anthony raquette. Towns, Mitchell Robinson, si ça n'a déjà pas marché avec un défensif player de l'année en la personne de Rudy Gobert, pourquoi est-ce que ça marcherait plus avec un Mitchell Robinson qui est quand même quelques crans en dessous de Rudy Gobert, faut l'avouer. C'est un move qui semble, là comme ça, dans la perception, de se dire, ouais, il y a plein d'éléments qui font dire, tiens, New York serait intéressé, New York aurait des connexions, CIA, tout Oui, ça, Gerson Rosas, ça bah, semble être le truc le plus à la portée. c'est Ça semble ça, pas c'est ça qui fait forcément être peur. le meilleur fit du monde. Non, non, non, À moins non. que ce 4 passe un cap. Jusqu'à présent, Ah. en playoff, il a rien marqué, il a rien montré. Il a fait quoi au mieux? Un premier tour? Il a fait deux premiers tours? Trois premiers tours? Playoff? Qu'est-ce qu'il a fait en playoff? À Ouais, l'époque Thibodeau, où il retourne en playoff, la saison ouais. dernière où ils sont en premier tour de playoff, et cette saison. 2017-2018, et après 2021, 2022, 2022, 2023. Après, là où on a besoin peut-être un peu de spacing, c'est effectivement un joueur qui Ouais, s'écarte. mais Mais dans ces cas-là, voilà, il y a une prise de c'est au risque. détriment du rebond, quoi. Il y a une prise de risque, c'est Et effectivement pas un tu joueur vas jouer avec qui. qui dans la raquette, là, avec J'en sais Julius rien. et Kat tout le monde est Bah au déjà, périmètre? Y a on parle d'un personne? trade. On parle d'un Oui. trade. Donc ça veut dire qu'il faut envoyer quelque chose en face. Est-ce qu'on envoie Julius Moi, je Randle? vois Est-ce qu'on pas envoie Archie Julius partir. Barrett? Moi, je vois pas Julius partir, hein, cette On année. l'a dit, un peu plus tôt, on voit pas Ouais. Julius Randle partir. Donc, ça Est-ce serait que Randle, si ouais. les Wolves ils appellent, ils font Allô, vous n'y avez pas Karl-Anthony Towns, on veut bien vous prendre Julius Randle. Plus des assets, des pièces, des machins. Est-ce qu'on fait le deal ou est-ce qu'on fait pas le deal? D'accord, pas de problème. Mais par contre, c'est vous qui payez la formation pour qu'il ait du caractère. Non, mais. Non, mais il y a ça, il y a ce côté Oh. mentality. Oh ouais, non, mais ça va. Si vous êtes capable de séquencer des séquences de Julius Randle qui fait pas les replis défensifs, qui a pas le bon body language, qui est un nonchalant, bah écoutez, vous allez être ravi avec Karl-Anthony Towns parce Ah que ouais, pour non, moi, mais il faut pas. les C'est dans le hitters de même Julius registre en fait sont en train de faire une syncope caractère. là. Après, il est peut-être moins bipolaire, Mais attention, il a Oui, non, mais je un le sens. parcours personnel un peu compliqué aussi, l'ami Turner. Ouais, avec notamment ses histoires avec le Covid, il a perdu beaucoup de gens, Voilà, beaucoup de personnes de il est sa sensible et famille. émotif, quoi. Mais après, Karl Anthony Towns, oui, ça va être un bon mec, ça va être un bon mec. C'est vrai que ça va être un mec sympa. Mais est-ce qu'on a besoin de mecs sympas? Est-ce qu'on n'a pas besoin de mecs fuyards? J'en reviens à ma question de départ. Est-ce qu'avec un Karl Anthony Towns dans l'équipe, Non. est-ce qu'on fait mieux que 5? Tu vois, Est-ce qu'on non. vise les finales de Non. conf? Non, je suis pas. Non, je suis. Alors là, pas du tout. Il n'y a pas de garantie sur ça, quoi. Et par contre, on sait qu'il y a un gros contrat après à traîner. Alors ok, c'est s'il y est, mais s'il y est, ça permet pas de faire tout et n'importe quoi. Vous avez pris Il a l'argent dans le 27 ans. Minnesota. Il a 27 Il est ans. pas rincé, il n'est pas Meilleur fini dans sa salaire. carrière. Meilleure saison fournie en 2000, à la saison de 24 ans, où il avait fait 26 points de moyenne à 8 rebonds. Non, pardon, 10 rebonds. 10 Non, rebonds, c'est des belles un stats. bloc. Un C'est des belles bloc, stats, 3 pertes de balles. mais jusqu'à présent, il n'a pas montré qu'il À pouvait porter une 40% à équipe. 3 points. C'est un mec qui shoote à 40% à 3 points avec des gros volumes. Hein. Bien Euh, sûr, sa, à il sa meilleure se saison, sa déclare meilleure comme saison, il prend 8, étant. il prend 8, 3 points par match. C'est énorme. Il Putain, se pour un déclare intérieur, comme c'est étant énorme. le meilleur shooter, grand shooter. Donc pourquoi pas, effectivement, ça apporterait un jeu différent. Par Après, contre, depuis ses Thibodeau l'a 22 ans, déjà il n'a plus coaché. jamais fait une saison complète. Hein. Ouais, Depuis ses après, dans le 22 ans, Minnesota, le climat est rude, hein, plus rude qu'à il a Bigato. fait 3 saisons complètes à 20, 20, 21, 22. Donc, rookie sophomore, 3e année. Et ensuite, 77 matchs, 35, 50, 74, 29. La saison dernière, 29 matchs, il fait. Alors moi j'ai deux questions pour finir sur le dossier Kaut. Est-ce que c'est un poste 4? Le 4? Ou est-ce que c'est un poste 5? Le 4? Hein? Pour moi, c'est. Enfin, On le fait après, jouer et où? lui, il veut jouer 4. Et pour moi, c'est un 5. Voilà, donc ça soulève pas mal de questions. Ça Pour moi, soulève pas mal enfin, de après, questions. sur les 4, moi, enfin, défensivement, quand tu vas l'envoyer sur les gros 4, c'est compliqué, quoi. Enfin, moi, je le vois pas. Ouais. Moi, je le vois pas défendre sur les 4. Je le vois pas avoir la mobilité pour défendre sur les 4. Pour moi, c'est un 5. Et le problème, c'est que lui, il veut jouer Il veut comme un jouer 4. au large parce Ouais. qu'il n'a pas forcément envie de se frotter dans la Ouais. peinture, Et le ce problème, qu'on c'est peut comprendre. ça. Merde, t'es à l'intérieur, Mais quoi. T'es un c'est type la qui NBA en mesure. 2023. T'es un mec qui mesure 2 m 11. Et je shootais au large. T'as le body d'un déménageur. Et du coup, tu finis avec des Jalen Brunson dans la peinture maintenant. C'est n'importe quoi. Non, mais non, Carl Hawkinson, c'est Et alors, la vraiment deuxième question, la c'est folle pour pour les les Knicks. commentaires. Vous préférez avoir qui? Julius Randle ou Karl Anthony Towns aux Un Knicks? et un Ayton. Non, non, attends. On parle de Karl Anthony Towns. Après, on va Ah oui, expédier vite fait pardon. quelques noms, vite fait. Mais là, voilà. Moi, je demande en commentaire, dites-moi, vous Towns ou préfériez Embiid? avoir qui? Non, Embiid, c'est plus cher, c'est MVP. Ouais. Non. Randle, Ah. l'actuel, 25-10, ou Karl Anthony Towns? Hein? Qu'est-ce que vous préférez? Sachant qu'il y a des contrats qui ne sont pas les mêmes, on parle de Mon 30 choix est millions, vite l'autre on parle fait. plutôt de 60, on parle d'un mec qui fait des saisons complètes, un mec qui est blessé, Hein. on Mec, parle mon de deux choix est mecs vite qui fait, hein. défendent C'est pas clair. vraiment. Ouais, Voilà, mais bon. voilà. Ah, Je non, demande en commentaire, j'aimerais moi, je savoir, préfère dites-moi. 100 fois. Je préfère 100 fois Julius. Hein. Bah, quand on peut avoir un Ah. peu de continuité, c'est pas déconnant. Je préfère 100 fois du. Pour moi, Karl Anthony Towns, c'est vraiment une énigme. Au début, en effet, quand il est arrivé à NBA, il est arrivé avec plein de promesses et tout ça. On parlait d'un futur Duncan, tout ça, bon. Ah ouais, il est 3 fois On en est All-Star, loin, on en est loin, 3 on en fois est loin. All-Star, 2 fois All-NBA. Bon, la Mais. conférence Ouest, c'est pas la conférence Est, mais il a pas pu montrer à l'Ouest. Arrivera-t-il à l'Est? Je suis dubitatif, je Mais suis moi, c'est son dubitatif. délire de jouer. Moi, c'est son délire de jouer 4 qui m'énerve. Moi, c'est son contrat qui m'embête. Non, mais outre son contrat. Non, mais encore, tu vois, il aurait un contrat. Bon, Bah, il a un changer gros pour contrat, il a son changer, mais si contrat. t'as un contrat qui est à peu Mais près. pour Là, moi, enfin. t'as une prise de risque sur le financier. Moi, pour moi, c'est dans son délire de se dire non, mais moi, je suis pas à l'intérieur, quoi. Enfin, Bon. c'est un éléphant qui se prend pour une souris, quoi. Donc, On n'est pas convaincu. C'est un chat non. qui... Pas convaincu. Allez, on va terminer avec quelques Photoshop qu'on a vu à droite à gauche, et puis après on va peut-être parler sur des choses peut-être plus réalistes. On a vu du Giannis, on a vu du Trae Young, on a vu du Porzingis. Ouais, est-ce que vous seriez prêt à reprendre Kristaps Porzingis? Bon, moi c'est un peu comme LeBron James, hein, même si c'est pas le même âge, voilà, c'est bon, on a donné. Il y a du Paul George. Il y a du Paul George, les Clippers, situation à observer, mais au niveau injury prone, on se pose des questions. Il y a du Ja Morant. Ouais, alors ok, Oh, bah on a arrêtez. récupéré le repris de justice, Latrell Sprewell, parce qu'il avait étranglé son coach. Mais Et Ja du mal Morant, bon. et du mal Puis Bridges aussi. on a Jimmy, on va Hein, pas du mal prendre Bridges Ja. aussi. Un mec Non, il devrait qui tape sa femme. revenir Du mal à Bridges. Charlotte. Kawhi Leonard, voilà, il y a des choses un peu, on voit tout et n'importe quoi. C'est mignon, c'est marrant, c'est la période de Ouais, l'été. non, mais là, ouais, non, mais là, Tout les Photoshop est bon Photoshop, pour. tous les jours, il y a un Photoshop nouveau, quoi, DeMar DeRozan, on a oublié Zach LaVine. Il y a tout un tas de noms. Moi, franchement, c'est pas ce qui m'a fait dire, ouais, avec ça, on fait mieux que 5. Avec ça, on va en finale de Non, mais conf. pour Porzingis, tu vas tuer, là. Même Jokic, Porzingis. on a vu Jokic. Jokic. Booker, Booker, Jokic. Booker. Ouais, Booker, j'aurais pas été contre, mais je pense que. Booker, si, Booker, ça te tristait, papa. Ouais, on Oui, pourra contre quoi. mais je pense que c'est plus possible. Je pense que c'est plus Ah, possible. oui. Ouais. Ou Et alors, alors là. vraiment, KD, fidèle à sa réputation, fout un bordel monstre au Suns, et Booker un peu Ouais. plus, et se casse, quoi. Non, non, Déjà non. que Genre, tu tous as ces. Paul, déjà que tu as Chris Paul qui va se tirer, donc... Ouais. Ouais, mais ils vont récupérer Kyrie. Bref, bref, Ouais. bref. Non, mais voilà. Tout ça pour dire que. On s'en pressent pas que là, cet été, les Knicks, même si on aimerait qu'il y ait un gros move pour se mettre vraiment dans la peau d'un Viva contender, Sano, va piano. voilà. On risque plus d'être dans une certaine forme de continuité, tant au niveau du coaching staff, T'as vu du que ça front Ouais. office, Rosas, tout ça. Est-ce qu'on nous fait pas une dinguerie? C'était Mais on pressent pas un gros move là. On pressent plutôt quelques moves malins, des petits moves. Il y a des noms, pourquoi pas, qui peuvent aider. On a vu qu'en playoff, ça manquait de shoot à 3 points. Est-ce qu'un Seth Curry, qui est agent libre? 7, hein, pas Steph, hein, celui du Brooklyn. Puis lui, il peut partir de Brooklyn, il déménagera pas très très Oui, lui, il a loin. beaucoup bougé, lui. Voilà. Alec Burks, oui, Alec J'ai Burks, on entendu connaît la parler maison. de lui, d'un retour Il a d'Alec fait Burks. une belle C'était petite pas saison à désagréable, Détroit. Alec Burks. C'était pour le coup, c'était un vrai feu Voilà. follet en sortie de bain, lui. Hein. 100 mètres trop cher, tu reviens à la maison, tu connais les Oui, teammates, t'as encore ton V. pas 15 millions. Hein. Non, non, non, on se fait un deal de bon ami, quoi. Mais voilà, est-ce que c'est des moves comme ça? Est-ce que c'est un Torrey Craig? Il y a des agents libres qui peuvent être Torrey Craig, plus intéressants. défenseur, hein, plus free Ouais. andy. Mais Mais même au au niveau du final, free. est-ce que c'est pas au poste 3 que le besoin il est réel? Ah oui. Pourquoi pas un starter ou un joueur de rotation, mais Bah, c'est pas là après, qu'on si tu devrait aller te sais, chercher. après, si tu te sépares de Hobby, il va te falloir quand même un 4. Ouais, mais un 3 qui peut jouer Un, 4, ouais, voilà. bon, voilà. Il va te falloir un mec qui va combler ces deux postes. Hein. Il y a du Harrison Barnes. Harrison Barnes, c'est Non. Sacramento, Ça ils font une part. belle saison, il va peut-être Il vouloir partira finir. pas. Voilà, il y a Kyle Moi, j'aurais bien Kuzma. aimé, hein. J'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup ce joueur. Ouais, mais je pense que le timing est plus bon. Il y a Kyle Non. Kuzma. Alors non, non, après c'est toujours une question de prix. Est-ce qu'il a envie de rester à Washington? Bon, le projet Washington, il n'est pas foufou, par contre il va vraiment vouloir l'argent. C'est un joueur qui peut être utile, mais attention aussi, bon, non seulement les délires vestimentaires. Est-ce qu'il pourrait s'intégrer? Je sais pas, je sais pas. Il y a du Gary Trent Jr., mais est-ce qu'on n'est pas dans un Ça? profil à la Josh Hart? Ouais, mais ça, c'est pas Est-ce mal. que ça fait pas doublon? Ça, c'est pas mal. Lonnie Walker? Lonnie Walker, Ouais, c'est Lonnie ouais. Walker, ça, c'est bizarre. Hein. Dante DiVincenzo pour la connexion Moi, j'aime Villanova, mais bien. bon, On en a discuté tout à l'heure c'est. en off, et l'année dernière, quand il était libre, sur Free Agency, moi, j'avais dit, ah, Dante DiVincenzo, c'est un profil, moi, qui me plairait pas mal. Ouais. Parce que, un mec qui défend, qui met des 3 points, et quand je l'avais vu partir à Golden State, je fais, ah, Move malin, move Move malin. malin, move malin. Mais voilà, il y a des noms à surveiller. Jeremy Grant, Jeremy. Effectivement, Visiblement, lui, apportant il est lui. reparti pour signer Bah, il veut son cher. argent quand même. Il Ouais, veut ouais, son ouais. argent. Moi, c'est un profil de joueur que j'aurais bien aimé. Pas forcément en remplacement de Juice, mais plutôt en complément. Et puis là, on est sur un joueur qui peut passer de 3, poste 3-4. Voilà. Bien sûr, faut pas mettre trop cher. Si tu Surtout vends que un tu vas projet avoir deux Knicks. mecs à re-signer cet été, hein. Ouais. Tu vas avoir sous contrat cet été, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Hein. C'est que si tu regardes la masse salariale, tu vas avoir un Julius donc à 25-27. Tu as un JB à 25, même s'il a un contrat Même si c'est un contrat dégressif. dégressif. Et puis, Mais t'as le contrat de voilà. RJ qui commence, quoi. Tu as le contrat de RJ à plus de 20 patates qui commence. Tu auras Mitchell Robinson à 15 millions. Je pense un truc comme ça, hein. Il est à 15. Il est en dégressif aussi, mais effectivement, il y a Ouais. des contrats qui commencent à être Donc, valorisés. Il va y avoir re-signé Josh Hart, il va falloir re-signer Quickley. voilà. Donc là, tu sais que là, tu es sur 30, à peu près, tu es sur 30, 40 millions qui vont partir pour ces deux gars. Faut voir ce que tu as derrière en réserve. L'été sera chaud, il y a les exceptions, mais ça permet pas non plus d'aller signer forcément un Non, Jeremy non, Grant non, à un non. gros tarif, ou Moi, alors je te faut que tu dis, acceptes de faire des concessions, mais. on bricole, on bricole, on maintient ce groupe. On essaie l'année prochaine encore d'accrocher les De playoffs, de faire mieux si confirmer, ouais. possible. Et moi, je te le dis, Pour moi, la timeline, elle est 2025, elle est la pré-agency 2025 et Spider. Pour moi, elle est là, la timeline. Ou 24, pour moi, ou 24. On attend, en tout cas, et on va on chercher pressent et on... plus un move malin, un move complémentaire, un poste 3. 3 j'ai cherché mes 3 doigts. Un poste 3, c'est ça dont les Knicks ont besoin. Un gars qui peut jouer 3, 4, voire 3, décaler 4, en 2 si besoin. Mais en 2, on a déjà ce qu'il faut avec Barrett, avec Grimes, avec Hart, avec Quickly. Le bac court, c'est bon, quoi. C'est avec bon. McBride, ça... encore McBride aussi, le petit McBride. Ouais, même si... Et Rokas, là, Jacques Bautiste, là, lui, là, qu'est-ce que ça dit, ça dit je, pense que c'est... je pense que lui, ses droits, il va être échangé, lui. Ouais. Mais voilà, s'il y a une priorité à avoir, c'est sur ce poste 3, apporter un 3&D. On n'a jamais assez de shooters, on a besoin de défense. Moi, je ne sens pas de gros moves, plutôt des moves malins pour compléter. Et puis rendez-vous à la trade deadline. Donc, désolé. On vous vend pas du rêve, ça sera pas des gros noms. Enfin, on pressent pas des gros noms. Après, des fois, la NBA est surprenante. La NBA est surprenante. Mais si les Knicks restent dans ça, leur continuité, ce qui semble être la trajectoire de prise actuellement, mais non, après, ça va être après, le souci, confirmer c'est ses vois, bons résultats. Quoi. Le souci, c'est qu'on avait eu des indices à la dernière deadline avec Lavigne. Visiblement, ils étaient chauds. Il y avait des grosses discussions. Ouais, et ils ont dit, bon, rendez-vous en juillet. Donc attention à cette piste-là. Moi, c'est les moves dont j'ai peur. Moi, j'ai c'est les deux moves dont j'ai peur, c'est Kat et Zach. Et lui, ouais, je suis d'accord. Et parce qu'il y a eu trop d'indices. Lavigne, ça a vraiment discuté. Ça a vraiment discuté entre Leon Rose, Chicago et... Lennox et Chicago, ça, pour Lavigne. Et ils sont pas arrivés à tomber à un accord, mais ils se sont dit, on se reparle plus tard. Et la non-prolongation de Scott Perry, c'est un peu, tu vois, disant, bon, Scotty, merci pour tout. Maintenant, peut-être qu'on a besoin d'un mec qui peut aller nous chercher un move qui va nous faire passer un cap. Et pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, je le vois comme ça. Hein. C'est pour aller chercher un GM qui a peut-être un carnet d'adresse plus important, des connexions plus importantes. Et pour moi, en effet, Kat avec la main en Rosas, CIA, ça sent de plus en plus. Ça, on sait qu'il aime bien hein, Leon Rose. Hein, quand ça coche. Il a attendu sur ça un peu. Quand ça coche ces cases-là, ça fait plaisir. Hein. Donc là, il manquerait plus qu'on apprenne qu'on a signé. Une obscure personne de la famille Towns dans l'équipe, et là on sait quoi. Mais non, moi j'ai peur d'un de ces deux mouvements là, Lavigne. Parce qu'on n'est pas convaincu que ça soit les moves qui feront passer ce cap non, à New York. Mais on est plutôt dans l'espoir d'une certaine continuité. Il y a beaucoup d'indices pour se donner rendez-vous plus tard. Il y a beaucoup d'indices quand même qui nous laissent penser que moralité. Ces deux joueurs là font peut-être partie de la top list. De la top list pour cet été. Quoi. Donc attention, moralité, si vous voyez ces mecs-là signés, on va rester vigilant. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas on va rester vigilant. On va rester vigilant. On vous a peut-être pas vendu du rêve avec les super noms que vous voudriez voir. Mais voilà, on vous a donné une vision qu'on espère réaliste. C'était le 60e épisode, encore un bon gros épisode. Mais bon, c'est l'épisode le dernier, peut-être avant un gros move, avant de la fin. Bah ouais, c'est sûrement le dernier de la. Hein enfin, pour l'instant, en tout cas, le dernier donc, de la saison. On vous a donné de quoi digérer ça sur les transats, en voiture, où vous voulez. Et puis, dites-nous en commentaire tout ce que vous en pensez. Le move, peut-être qu'on n'a pas en tête. Il y en a cité plein de noms. Mais dites-nous peut-être des idées qui nous seraient passées au travers. On va garder du Teams, on va garder du Julius, on devrait garder du RG, voilà, donc on va re-signer des prolongations et RG, plutôt des petits moves complémentaires. RG, voilà. RG, si vous le voyez pas, si vous le voyez pas au training camp cet été, enfin, hein. Ça aussi. On va être vigilant. En tout cas, on va vous souhaiter un très bon été à The Knicks Summer. C'était l'épisode 60, c'était sur KNF TV. Merci Seb. Bah écoute, moi en tout cas, j'ai passé d'excellents lundis, déjà en ta compagnie, hein, c'est évident. Passé d'excellents moments à parler des Knicks et à décrypter l'actu, les matchs, les bons, les moins bons, les grosses séries de victoires, les grosses séries de défaites. On a passé de bons moments à rigoler en prenant ça avec légèreté parce que voilà, on ça va passer dans les veines. À échanger avec, avec les Knicks fans, que ce soit lorsque les vidéos sortent ou en commentaire ou après d'ailleurs sur Twitter. J'ai passé voilà, une excellente saison. C'est la première fois que je vivais une saison comme ça, un En peu étant double actif. casquette. Et c'était très bien. Donc écoute, moi, les papiers du contrat ont été envoyés à mon avocat. Normalement, on fait suivre, on donne suite pour la saison prochaine, quoi. Le problème, c'est que sur KNFTV, on a aussi changé de GM. Donc, je ne sais pas s'il est arrivé, mais on va essayer de se tenir informé. En tout cas, on te remercie encore pour ta participation active en tant que chroniqueur. Ouais, c'est le terme, je sais pas. En tant que co-animateur sur cette émission, c'était un plaisir partagé. On vous dit à très bientôt, parce qu'il y aura sûrement du contenu. Peut-être une On va émission aussi travailler. spéciale Mais oui, breaking news. Joel Embiid, Oh, waouh! Joel Embiid et Jalen Brown qui arrivent! Contre Jalen Brunson. Mais pourquoi? Donc non, tenez-vous prêts, en alerte. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir l'information si la vidéo tombe, parce qu'on n'est pas à l'abri de ressortir une vidéo. On vous souhaite un excellent été. On vous Excellent été à croisera tous, ouais. peut-être sur des événements, le Merci à tous de nous avoir T54, suivis. Merci beaucoup. des concerts ou autres. Mais en tout cas, passez un agréable été. Continuez de suivre les Knicks. On vous donne rendez-vous très bientôt. On va vous préparer du contenu pour la saison prochaine. On va peut-être revenir pour une saison 3 sur KNFTV. Ouais, peut-être. Si Bien on a pas mal sûr. de pouces, on reviendra. Et puis voilà, portez-vous bien. Et puis, bah, let's go Knicks! Ciao, ciao, voisin! Salut! Hein? Bon, je Allez! surveillerai ta maison pendant que tu pars en vacances, t'inquiète pas. Hein. Ouais, merci, Je merci. garderai un œil. Hein. Vraiment, Je on répondrai les donnera chats. Je le gros répondrai les chats. chat, le gros 4. Le gros 4. Voilà. Comme quoi, il revient Allez! toujours. Portez-vous bien, très bon été et à très bientôt sur KNFTV et avec l'association Knicks Nation France. Bonnes vacances à Ciao, tous. ciao! Bonnes Salut! vacances. Ciao!